se réinstaller. Minima 14 à 17 degrés à partir de demain. La masse d'air va bouger un peu, on va perdre quelques degrés et les averses vont quitter progressivement le pays. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Et les orages, les averses, elles sont là en ce moment. Des grêlons, des coulées de boue, la circulation des trains est perturbée. Les inondations aussi pour certains et c'est la deuxième fois en deux jours. À Saint-Georges, les opérations de déblaiement se terminent. Il faudra plusieurs jours pour que les voies soient à nouveau en état de voir circuler des trains. En attendant, les enquêteurs peuvent se baser sur la boîte noire pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Les empoisonnements de plus en plus fréquents. Les enfants surtout sont concernés. Les pédiatres sont confrontés au problème. Ils expliquent que beaucoup de dangers guettent les enfants au quotidien. Il y a des plaquettes de médicaments qui traînent à la maison, soit sur une tablette de cuisine, sur le plan de travail, à la salle de bain, sur la table de nuit. Et puis nos diables, ils viennent de partir pour Lyon à bord du Tridon, leur fameux avion rouge. On ne leur souhaite pas trop de turbulences dans les airs. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Orage, grêlons, pluie diluvienne, c'est reparti pour un tour. Oui, l'IRM avait lancé un bulletin d'avertissement orange. Eh bien ça y est, il fait lourd, ça craque de toutes parts dans la région de Mons. Les pompiers ont reçu une vingtaine d'appels et ils s'attendent à en recevoir encore. En province de Liège, à l'est de Verviers, François Brébant et Michel Servet ont rencontré Béatrice. Pour la deuxième fois, elle voit arriver devant chez elle, l'eau du village de Bilstein. C'est arrivé aux alentours d'une heure quart, une heure et demie, c'était après le JT. Il y avait bonnement entre 30 et 40 cm qui dévalaient la route. Avec des pierres et de la boue. Avec des pierres et de la boue, il y a encore des résidus de gravats un peu partout. La force de l'eau, c'est incroyable. Et quand on en est à ce point-là, on ne sait plus rien faire que de constater les dégâts et de laisser faire. Encore bien que les ouvriers communaux ont réagi très très vite. Évidemment, ils étaient sur place encore en train de déblayer les dégâts d'hier. Encore conséquence de ces coulées de boue, la circulation des trains a été interrompue entre Quévy et Mons et aussi entre Nanine et Ciney sur la ligne Namur-Luxembourg. Mais là, la circulation devrait reprendre apparemment. Mais que se passe-t-il depuis jeudi dernier? Comment expliquer ces inondations? A-t-on sous-investi dans le curage, l'entretien des avaloirs? Faut-il élargir les égouts? Thierry Van Gulik a posé cette question à Steve Bernard. Il est spécialiste des inondations dans une intercommunale namur de services publics. Déjà, si on met des plus grands égouts, il faut bien penser qu'on va laisser passer plus d'eau pour l'aval. Si on laisse passer aux égouts, ben, on va faire déborder les cours d'eau. Ce n'est pas une solution. Mais est-ce qu'il y a quand même des endroits où les cours d'eau ne sont pas bien entretenus, où les avaloirs ne sont pas nettoyés? Ça doit certainement exister. Maintenant, je pense que les communes font leur boulot. Un avaloir qui n'est pas entretenu, même pour un épisode pluvieux classique, il va déborder, ça va gêner. Donc, a priori, les avaloirs sont débouchés. Dans le cas d'orage comme ça, on a une quantité d'eau qui arrive des parcelles agricoles avec de la boue. Donc, la boue colmate, ça rend le réseau d'égouttage, à ce moment-là, bien inefficace. Steve Bernard de l'INASEP, l'intercommunal de services publics à Namur, avec Thierry Van Gulik. À Saint-Georges-sur-Meuse, les voies sont dégagées sur les lieux de l'accident. Et on a aussi retrouvé la boîte noire de la locomotive du train voyageur, celui qui a embouti le train marchandises dimanche soir. Alors que disent ces boîtes noires? Que peut-on apprendre avec tout cela? Barbara Chal a mené l'enquête. Le rôle de cette boîte noire, un peu comme celle dont sont équipés les avions, c'est d'enregistrer un certain nombre d'informations, des informations utiles pour retracer le fil des événements en cas d'accident comme celui-ci. À cette différence près, ici, pas d'informations sonores, pas d'échange entre le conducteur et une autre personne, par exemple. Un certain nombre de données concernant la conduite sont en fait sauvegardées. On pourrait par exemple déterminer à quelle vitesse roulait le train ou si un feu a été franchi. On pourrait aussi savoir si le conducteur a freiné ou non, et surtout si le freinage automatique d'urgence, le système TBL1+, s'est enclenché ou pas. Reste à savoir si la boîte noire est exploitable, partiellement exploitable ou au contraire trop abîmée par l'accident pour fournir des informations. Pour l'instant, difficile aussi de savoir combien de temps prendront ces analyses, car là encore, la complexité de l'opération dépend de l'état de cette boîte noire. Et notez qu'un registre de condoléances a été ouvert à Saint-Georges-sur-Meuse. Les citoyens peuvent rendre hommage aux victimes à la maison communale durant les heures d'ouverture. 56 000 appels l'an dernier au centre anti-poison. C'est plus qu'en 2014, 3% de plus qu'en 2014 en fait. Et avec quoi s'empoisonne-t-on chez nous? Eh bien avec des produits d'entretien ou même des cosmétiques. C'est à cause d'eux que les empoisonnements sont les plus fréquents, surtout chez les enfants. L'an dernier, le centre anti-poison a donc reçu 56 000 appels. Et dans la moitié des cas, ça concerne, Justine Hermans, des produits de tous les jours. Les médicaments sont la première cause d'intoxication. Ils sont trop souvent faciles d'accès pour les enfants. Ingrid Thomas, pédiatre au CHU Ambroise Paré à Mons. Il y a des plaquettes de médicaments qui traînent à la maison, soit sur une tablette de cuisine, sur le plan de travail, à la salle de bain, sur la table de nuit. Ce qui arrive également, c'est quand l'enfant va jouer dans le sac de sa maman et retrouve une plaquette de médicaments. Le premier réflexe en cas d'intoxication, téléphoner au centre antipoison. Si la situation semble grave, aller directement aux urgences. Mais dans les deux cas, il ne faut pas oublier d'avoir le produit ingurgité sous la main. Vincent Tchaïkovski, chef du service des urgences au CHU de Mons. Trop souvent, les parents, et on peut comprendre dans une certaine panique, viennent avec l'enfant. L'enfant a avalé un produit. On ne connaît pas lequel qui était dans le garage et on a laissé l'emballage, le bidon dans le garage. Et on perd du temps parce qu'il faut retourner chercher le produit pour savoir ce dont il s'agit. Les remèdes de grand-mère sont eux à éviter, comme faire boire de l'eau ou du lait. Dans certains cas, ça peut faire pire que mal, que bien. Pardon. L'exemple typique, c'est la brûlure œsophagienne. Ce n'est vraiment pas conseillé alors qu'on a l'impression qu'en mettant du lait, on va soulager. Et le meilleur conseil pour éviter les intoxications, placer les produits toxiques en hauteur ou dans un endroit fermé à clé. Et on rappelle le numéro de téléphone du centre anti-poison, le 070 245 245 070 245 245. Des centaines de magistrats et d'avocats dans les palais de justice ce matin. Oui, avec eux aussi des travailleurs de la justice, des huissiers, des audienciers à l'arrêt pendant une demi-heure pour dénoncer à la fois les locaux insalubres, les systèmes informatiques dépassés et surtout le manque de bras. La manifestation avait lieu partout, à Bruxelles, en Wallonie, mais aussi en Flandre cette fois. Pas de quoi pourtant démoraliser le ministre de la Justice. Koen Gens estime que la contestation est normale en cette période de réforme. Il n'est pas découragé. Mais au fait, peut-il réformer avec les coupes budgétaires qu'on lui impose? Je crois que oui, évidemment, il n'y a jamais assez d'argent pour la santé publique, pour la justice. Et évidemment, chaque ministre souhaiterait disposer de plus d'argent. Mais le gouvernement a rendu public au début de son mandat une ligne budgétaire très claire, dont je suis solidaire et que j'essaye, avec la concertation nécessaire, d'exécuter. Donc, ne nous plaignons pas trop et surtout, préparons un meilleur avenir. Koen Gens, le ministre de la Justice, avec Baptiste Dupin. Et vous, que pensez-vous de la justice? La RTBF et La Libre viennent de poser la question. Les enquêteurs ont interrogé un peu plus de 1000 personnes entre le 31 mai et le 6 juin. Résultat, pas très étonnant, hein, Marc Sirlereau, la justice ne nous rassure pas. Non, et ce n'est pas une surprise. Une majorité des personnes sondées ne lui font pas confiance. Et le constat est quasiment le même dans les trois régions du pays. Mais c'est surtout un sentiment ressenti chez les personnes plus âgées. 36% seulement des plus de 55 ans disent faire confiance à la justice, pour une petite majorité tout de même dans la tranche d'âge des 18-34 ans. Alors, principal défaut et de loin reproché à la justice et à son fonctionnement, le délai de traitement des dossiers. Et pour que cette image soit plus positive, Marc, il faudrait quoi selon les personnes sondées? Très clairement, investir dans la justice. 68% des personnes sondées estiment que la justice doit bénéficier de plus de moyens. Et c'est en Wallonie que la demande est la plus forte, avec des améliorations attendues principalement dans trois directions. D'abord la lutte contre le terrorisme, ensuite la lutte contre la grande criminalité, et la fraude fiscale. Alors, on a aussi posé la question sur les prisons. On a demandé aux personnes sondées ce qu'ils pensaient de cette situation. Résultat ? Eh bien, une large majorité, 75% des personnes sondées, considèrent que la surpopulation carcérale est un problème important. Et la solution qui est la plus privilégiée pour réduire cette surpopulation est le développement des peines alternatives, comme par exemple le bracelet électronique ou les peines d'intérêt général. Et cela devant la construction de nouvelles prisons. Merci beaucoup, Marc Sirlereau. Recevoir les réponses plutôt que les questions aux examens, ça doit être le rêve de pas mal d'étudiants, non ? Eh ben pas tant que ça, figurez-vous, parce qu'hier à l'ULB, en fac de droit et psycho, 800 étudiants sont sur place, ils passent leur examen de philo, les copies arrivent, et les étudiants se rendent compte qu'ils ont les corrigés plutôt que les questions. Résultat, le professeur annule 6 questions et comme Pierre Vandenbulk a pu le constater, ça ne réjouit pas nécessairement les étudiants. C'est un étudiant qui s'en est le premier rendu compte. En lisant sa copie, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir les questions et les réponses sur la même feuille. Il alerte alors la professeure qui tranche en faveur de l'annulation de cette partie de l'examen. Dans l'éditoire, les mines se ferment. Cet autre étudiant qui préfère rester anonyme se sent lésé. Moi j'étais dégoûté et comme pour la plupart des gens, je pense qu'on a gardé notre calme parce que c'était pas la première fois que ça arrive lors d'un examen. Mais on a gardé notre calme, mais c'était difficile dans le sens où il y avait quand même un quart des points d'examen qui valaient pour cette question. Et c'était une question qui nous permettait de réussir pour la majorité des gens parce qu'elle n'était pas en soi difficile. L'examen sera finalement coté sur 14 au lieu de 20. Cet étudiant le déplore et demande à ce que les professeurs fassent preuve d'autant de rigueur que celle demandée aux étudiants. On veut juste que tout soit correct et qu'on n'ait pas comme ça une magouille qui intervient en plein examen. Il ne s'agit pas de magouille pour l'ULB, juste d'une erreur humaine. Nicolas Dassonville, porte-parole. Pourquoi les correctifs sont arrivés ? On ne le sait pas. C'est une petite enquête interne que le doyen va mener et il va la mener pour s'assurer que ce soit une erreur qui ne se reproduise plus, mais c'est très probablement une erreur humaine, erreur liée à la surcharge en cette période d'examen. C'est la troisième fois que cela arrive cette année en première bac droit, un malheureux concours de circonstances, dit l'ULB. Le problème sera toutefois évoqué en conseil facultaire à la fin de ce mois pour que cela ne se reproduise plus. Un attentat en Turquie, tout ou près de la zone touristique d'Istanbul. Oui, très précisément près de l'université. 11 morts, des dizaines de blessés. C'est un attentat à la voiture piégée. Il a eu lieu ce matin. Il visait des policiers et le président turc pointe les rebelles kurdes du PKK, Daniel Fontaine. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans un hôpital où sont soignés des blessés de l'attentat. Il a désigné les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan comme responsables de l'attentat. La Turquie traverse une double vague d'attaques. D'une part, celle des djihadistes de l'État islamique et d'autre part, les actions menées par la mouvance kurde. Les spécialistes estiment également que l'explosion de ce matin correspond plutôt aux méthodes kurdes. Il s'agissait d'une voiture piégée. La bombe a été déclenchée à distance au passage de deux bus de police. Le premier bus a été retourné par la puissance de la déflagration. Le second a été calciné, comme d'autres véhicules. 7 policiers et 4 civils sont morts. Depuis un an, les hostilités ont repris dans le sud-est de la Turquie, à majorité kurde. Des combats opposent tous les jours les forces de sécurité et les rebelles. L'aviation turque a encore mené hier soir un raid contre une base arrière du PKK dans le nord de l'Irak. En bref encore, l'hospitalisation de Silvio Berlusconi, l'ancien chef du gouvernement italien, a été victime d'un léger malaise cardiaque, mais son état de santé ne semble pas préoccupant. Silvio Berlusconi est âgé de 80 ans. Et puis la victoire de Jérôme Kerviel contre la Société Générale, l'ancien trader condamné pour avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la banque qui l'employait, a contre-attaqué. Il estime avoir été licencié sans cause réelle. Le tribunal lui donne raison et condamne la banque à lui verser des indemnités de l'ordre de 450 000 euros. Tout de même, la banque a fait appel. Ça y est, ils sont en vol. Oui, l'avion des Diables s'est envolé pour Bordeaux. Décollage 16h50. Départ dans la discrétion. Et on ne leur souhaite pas trop de trous d'air. Lise Burion. Ça a tonné dans le ciel de Zaventem. Alerte orage, les Diables prennent leur envol. Ils espèrent éviter tout de même les turbulences de toutes sortes pendant leur périple en France. Aujourd'hui, 1h30 de voyage seulement. On est loin du vol transatlantique vers le Brésil il y a 2 ans. Mais dans leur équipage du jour, les joueurs retrouvent une hôtesse de l'époque devenue chef de cabine. Tout le monde espère bien sûr une promotion de ce genre pour les joueurs et qui sait, un vol retour dans la peau des champions d'Europe. On n'y est pas encore, bien entendu, mais poser le pied en France, ce sera enfin un pas vers la compétition. Les joueurs étaient détendus. Dembélé, Vertonghen, Mertens et Nainggolan ont été les derniers à monter à bord. Ils ont pris soin d'immortaliser leur montée des marches par un petit selfie à découvrir sans doute très vite sur les réseaux sociaux. L'avion va les transporter aujourd'hui seulement, mais il accueillera des supporters belges les jours de match. Les Diables, eux, n'en ont pas fini avec le transport. Tout à l'heure à Bordeaux, le rouge de l'avion cédera sa place au bleu, quoi de plus normal. Le bleu du bus officiel mis à leur disposition par l'organisation pour les déplacements courts. Le slogan indiqué sur ce bus, One Team, One Ambition, l'Euro peut véritablement commencer.

chez Renault Néry. Offrez-vous une Renault 9 disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3000 euros d'avantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault Néry à Fléron, Grivenier et Liège-Buronville. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et tous les soirs pendant 2h ensemble, on fait le tour de l'actualité. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée malgré la météo. On refera un point d'ailleurs sur la météo d'ici quelques petites minutes et ça ne s'annonce pas fameux cet après-midi. Alors dans l'actualité aujourd'hui, il y a cette info étonnante, je vous en parlais il y a un instant, Mark Zuckerberg. C'est le grand patron de Facebook, c'est lui qui l'a inventé. Il s'est fait pirater son compte Twitter. Alors c'est assez dingue parce qu'on pourrait imaginer qu'un gars comme ça a des protections dingues sur ses comptes. Alors comment ça a pu arriver et comment vous pouvez vous protéger des pirates? On y revient dans un instant. On en parlait aussi il y a quelques minutes dans le journal. Un puma a été vu à Vaux-sur-Sure. Et si ça vous arrivait? Vous vous baladez quelque part, vous voyez un puma. Comment réagir? La réponse tout à l'heure. Et puis on essaiera d'en savoir plus sur cette histoire du puma. Justement, où en est-on? À l'heure actuelle, nous en saurons plus avant 18h. On parlera de Jonathan aussi. Jonathan, il est belge, il aime les voyages et sa maman aime avoir de ses nouvelles, c'est normal. Alors c'est exactement ça qu'il place au cœur d'un buzz ces dernières heures. À chaque activité, il poste une photo pour donner de ses nouvelles à sa maman et c'est partagé énormément sur les réseaux sociaux. Il est pour l'heure actuelle au Pérou et il nous parlera de ce qu'il vit actuellement là-bas. Ses photos buzzent tellement que plus de 90 médias à travers le monde lui ont demandé des interviews. Et il a choisi de vous parler à vous, les auditeurs de Vivacité, et prendra un petit peu de temps avant 18h pour nous répondre. Et à propos de buzz, Marwan Fellaini, il fait beaucoup parler de lui ces dernières heures, et pas pour ses performances sportives, il est dans l'avion en ce moment. On en parle avec Jérôme Elguers tout à l'heure, ce sera après les titres de 17h30. Et puis, si vous avez un vieux téléphone, votre papa a un tout vieux téléphone, un téléphone qui fait que, quand vous l'entendez, ça fait quand il essaie de vous appeler. Ce téléphone, il vous le dit. Il vous dit « Oh, j'ai un vieux téléphone, pense à la fête des pères. Pense à moi, achète-moi un nouveau téléphone. » Votre papa, il est triste, son téléphone pleure, comme dirait Claude François. Et vous allez pouvoir faire quelque chose pour votre papa. Parce qu'aujourd'hui, je vais me déguiser. Aujourd'hui, j'enfile un costume. J'enfile le costume de Super Smartphone Man. Et heureusement qu'il n'y a plus d'antenne, parce que sinon on ne sait pas où on mettrait l'antenne sur ce costume de Super Smartphone Man. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour la fête des pères, vous allez pouvoir faire plaisir à votre papa, vous pourrez lui offrir un nouveau téléphone sans que ça vous coûte les 800 euros du prix du téléphone que je vous offre aujourd'hui. C'est un smartphone magnifique, le Samsung Galaxy S7 Edge. C'est le téléphone que je vous offre aujourd'hui. Je vous le dis, il vaut 800 euros, il est résistant à l'eau, il est résistant à la poussière, il fait tout ce qu'un téléphone fait bien sûr, et il fait tout ce qu'un appareil photo fait. Donc on n'est pas des pigeons, il a été testé il n'y a pas très longtemps, et ils ont dit, c'est les pigeons, c'est pas n'importe qui, ils ont dit que ce téléphone photographiait mieux qu'un appareil photo compact, vous imaginez? Donc c'est vraiment le top du top. C'est la Rolls du téléphone, le Samsung Galaxy S7 Edge que vous offre maintenant à l'occasion de la fête des pères. Si vous voulez le remporter, ce téléphone, il suffit de m'envoyer un SMS. Maintenant, vous envoyez papa, tout bêtement, PAPA, au 6003 pour 75 centimes le message. Et peut-être que tout à l'heure, Super Smartphone Man vous appellera et vous offrira ce téléphone. Papa au 6003, je vous souhaite bonne chance. J'enlève mon costume deux secondes, on va revenir sur l'actualité. Alors cette histoire assez dingue, cette histoire qui concerne Facebook et son créateur Mark Zuckerberg. C'est lui qui a inventé Facebook, c'est lui qui a mis en place avec ses équipes les différentes règles de sécurité pour ne pas se faire pirater. Et voilà que lui-même s'est fait pirater, c'est une info à lire sur rtbf.be, il s'est fait pirater son compte Twitter. C'est assez dingue, comment ça a pu arriver? Et alors au même moment, on apprend aussi sur rtbf.be qu'il y a un bug de sécurité qui entre-temps a été comblé, mais sur Facebook Messenger, que vous toutes et vous tous utilisez peut-être au quotidien. C'est le système de dialogue en ligne sur Facebook. On va essayer de voir plus clair dans toutes ces histoires avec Cédric Coderlier. Vous travaillez pour Mountain View, vous êtes le cofondateur de Mountain View, vous êtes un spécialiste dans le domaine de la stratégie digitale. Bonsoir Cédric. Bonsoir. C'est pas une blague, Mark Zuckerberg s'est vraiment fait pirater son compte Twitter, c'est pas une fausse info? Tout à fait, non, mais c'est pas dingue. Exactement ça qui s'est passé. Il s'est pas fait pirater son compte Twitter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que LinkedIn s'est fait pirater. LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, ouais. Exactement, exactement, sur lequel Mark Zuckerberg était inscrit, et ils ont réussi à dérober les mots de passe jusqu'à de toutes les personnes qui sont inscrites jusqu'à 2008, plus ou moins, si je dis pas de bêtises. Et dedans, ils ont repéré qu'il y avait Mark Zuckerberg, donc ils ont pris son mot de passe et ils l'ont testé sur d'autres réseaux sociaux. Il se trouvait que c'était le même mot de passe sur LinkedIn, sur Twitter et sur Pinterest. Ah là là, le boulet. C'était DADADA. Donc, si vous voulez essayer sur d'autres réseaux sociaux, ben voilà, ça, à mon avis, il y en a d'autres qui ont essayé avant vous, mais... C'était quoi? C'était que des A à la suite? DADADA. Ah, DADADA. D'accord. Et pourquoi il fait ça? On sait très bien. Alors, on le répète assez souvent. Alors, c'est intéressant que vous soyez là aujourd'hui pour peut-être rappeler quelques règles de sécurité. On ne met a priori pas le même mot de passe partout. Non, c'est vrai. Il y a de plus en plus de soft en plus qui existent, qui retiennent les mots de passe pour vous, donc c'est plus facile de les changer. Ouais, mais ça, c'est un piège. Non, hein, c'est vrai, parce que quand un logiciel le retient, le jour où on doit le taper, on est mal. Ouais, ça c'est vrai. Mais il y a des logiciels tierces parties qui permettent de les retenir, de les enregistrer, de pouvoir les voir en clair sur son ordinateur au travers d'un mot de passe, d'un super mot de passe. Et il y a des applications qui s'appellent genre One Password ou des choses comme ça qui existent sur mobile, sur PC et autres. Donc ça c'est intéressant ça permet de le faire. Avoir, ouais. Et quelques règles peut-être, forcément, si on est sur un site, on apprend dans la presse que ce site a été piraté. Prenons le cas de LinkedIn. Mais ici, le en réflexe directement... LinkedIn a envoyé, c'est de changer son mot de passe. Mais ici, normalement, LinkedIn, pour tous les mots de passe qui ont été dérobés, normalement, ils ont identifié quels mots de passe ont été dérobés. En fait, si vous êtes concerné, LinkedIn, la prochaine fois que vous vous connectez, va vous dire que vous devez changer votre mot de passe puisqu'il y a un risque. Donc, le truc qu'il y a, c'est que même si Mark Zuckerberg a changé son mot de passe sur LinkedIn, il aurait dû le changer sur Twitter et sur Pinterest aussi. Voilà, et ça, les sites ne le rappellent pas. Donc, c'est important s'il y a ne fût-ce qu'un doute sur le hacking quelque part, on change. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Ni vous ni moi ne sommes Mark Zuckerberg, donc vous peut-être plus que moi, mais on est. Oh là, j'ai regardé mon compte en banque, je vous assure que je ne suis pas Mark Zuckerberg. Vraiment. Non, mais donc voilà, après, il y a aussi une différence entre Mark Zuckerberg. Il y a un challenge qui est beaucoup plus important que M. Van Pieperzeel qui habite dans le fin fond de la Wallonie, effectivement, mais il n'y a pas le même enjeu et pas les mêmes risques. Donc je dirais qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter du tout. D'accord. Alors juste à propos d'inquiétude, il y a cet article aussi sur rtbf.be qui nous dit que l'application Facebook Messenger qu'on utilise sur les différents téléphones est buggée. Enfin, il y a une faille de sécurité à l'intérieur qui fait qu'on peut aller changer des historiques de conversation. On doit s'inquiéter de ça ou pas ? Non, en fait, enfin, oui et non. En soi, Facebook et beaucoup d'autres, mais Facebook est très tronc pour ça. En fait, ils ont une politique qui, le jour où vous découvrez une faille de sécurité, vous l'annoncez, ils vous payent très cher. Donc, c'est de l'ordre de 10 000 dollars, plus ou moins, quand vous trouvez une faille de sécurité sur Facebook. Et ils en trouvent tous les ans, régulièrement. Je pense que le budget l'année passée, il était plusieurs centaines de milliers de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est la manière, ça existe depuis des années, je pense que le premier qui a fait ça, c'était des services de sécurité, d'alarme et autres qui proposaient aux gens tous les ans un concours qui permettait de dire, ceux qui arrivent à bypasser notre sécurité, ils gagnent 50 000 dollars. Okay. Ça leur permettait, eux, d'améliorer leur système, donc c'est ce que Facebook applique aujourd'hui. Pas de stress à avoir, cette faille de sécurité a été corrigée entre-temps, et il va y en avoir d'autres, mais il ne faut pas s'en inquiéter réellement. Il y en a déjà eu beaucoup, en fait. C'est juste que de temps en temps, il y en a une qui apparaît plus fortement que les autres. Et l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un hacker qui a le choix entre d'un côté la dévoiler et être un peu malveillant, ou de l'autre côté gagner directement de l'argent, c'est une bonne réponse en disant, dites-le nous et vous allez gagner de l'argent. Donc Cédric, rassurez-nous, on ne ferme pas l'Internet là tout de suite. On peut continuer à aller sur Internet sereinement. Ouais, ça va aller. Ouf, ça va aller. J'ai eu peur. Encore quelques semaines au moins. Ok. Mais merci beaucoup Cédric d'être passé dans le 5 à 7 ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Vraiment, voilà. Je voudrais revenir à propos d'Internet sur une vidéo qui a pas mal tourné ces dernières heures. Elle concerne Victoria Bedos. Elle était l'invitée de Catherine Sellac dans Thé ou Café sur France 2. Et elle a déclaré quelque chose à propos de son mariage, ou en tout cas son projet de mariage. Écoutez. Tout d'un coup, quand le mariage, j'ai commencé à préparer tout. J'ai la robe, il y avait le traiteur et tout ça. J'ai eu un truc, mais vraiment, c'était physique. J'ai l'impression d'étouffer. Et je me suis dit, mais je ne peux pas devenir tout de suite une femme au foyer, fonder une famille. Tu sais, je ne sais même pas ce que c'est que la vie. Tout d'un coup, j'avais l'impression que mon destin était tracé et que ça ne me ressemblait pas, en fait. Et elle a tout annulé. Vous imaginez, elle a annulé au dernier moment son mariage. Est-ce que vous avez déjà annulé quelque chose au dernier moment? Alors, pas forcément un mariage, mais vous deviez aller quelque part. Au dernier moment, vous trouvez une excuse pour ne pas y aller. 3063 par SMS, vous me dites si vous avez donné une excuse pour justement justifier le fait que vous n'êtes pas allé quelque part. Est-ce que vous avez annulé? 3063 pour me le dire par SMS, on en parle dans un instant. Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable ? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. Dis, c'était pas ma fête à la base, là ? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'éco-quartier de Visée les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Horizon Group. Investir les lignes du futur. Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage U vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage U, à Chénet, au pied de la Côte d'Ambourg, et à Herstal, au rond-point Coronneuse. 2 ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Skoda U, le service en plus. Garage Dave et Fils, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Dave et Fils à Ouanzui, E40 sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Capteur de stationnement ? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync ? Oui. Système de navigation avec écran tactile ? Oui. Quoi d'autre ? Le prix ? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Soir Mag. Soir Mag présente les 185 ans de la monarchie belge. Collectionnez une série de 4 livres sur Baudouin, Fabiola, Paola et Laurent. Des personnages contemporains de notre dynastie. Dès ce mercredi, le premier volume Baudouin, au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. À 7h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec de nouveau des inondations ce soir, des coulées de boue, un trafic ferroviaire perturbé par endroits, notamment à côté de Mons et de Nanine. Des routes très difficiles aussi ce soir, bon courage si vous êtes sur le chemin du retour. La région wallonne conseille à ceux qui sont concernés par les débordements de ruisseaux d'avoir une réserve de matériel, des ballots de paille, des sacs de sable et de retirer tous les objets mobiles des axes de ruissellement. C'est vrai qu'hier on a vu des meubles, des conteneurs se balader en rue. À Saint-Georges-sur-Meuse, les voies sont dégagées après l'accident de train qui a fait 3 victimes et une dizaine de blessés. Les enquêteurs ont mis la main sur la boîte noire du train passager. C'est ce qui devrait permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, on n'a toujours aucune idée de ce qui s'est passé justement dimanche soir. La deuxième étape du critérium du Dauphiné, l'Espagnol Jesús Herrada de Movistar s'est imposé. Contador reste leader. Et puis, nos diables bientôt à Bordeaux. Ils ont quitté Zaventem à bord du Trident, l'avion spécial rouge décoré avec leur photo et la photo de leurs supporters. Un départ sans fan pour raison de sécurité. Les prochaines infos à 18h. Eh ben, merci. Avec Marianne. Eh ben, on accueillera Marianne avec plaisir dans cette émission. Et alors, les photos à l'intérieur de l'Airbus, elles sont par accord parce qu'il a changé de couleur de cheveux, Marwan. Oui, mais vous avez vu des photos anciennes alors, parce qu'effectivement, Marwan, il est blond. Ça, je l'ai vu. Il est blond depuis aujourd'hui. Oui, oui, mais dans l'avion. Ah, dans l'avion, dans effectivement, l'avion, il va falloir faire une petite retouche peut-être dans l'Airbus. Ouais. On parlait d'ailleurs de sa nouvelle coupe de cheveux. Vous avez raison. Dans un instant, Jérôme Elgars nous rejoint. Avant ça, c'est la météo, Dominique. Avec d'abord, dans un premier temps, encore de fortes averses orageuses ce soir, puis un lent retour, un temps plus sec, minima 14 à 17 degrés à partir de demain. La masse d'air va bouger un peu, on va perdre quelques degrés, 19 à 25 degrés. Les averses vont quitter le pays le matin par le sud-est. Jeudi et vendredi, on va pouvoir enfin retrouver un temps ensoleillé et sec, mais paradoxalement plus frais, 17 à 22 degrés maxima. Et sur les routes, le RTBF Mobile Info, c'est avec Antoine Binamé. Comment ça se passe ? Il y a des chaussées inondées, Antoine ? Oui, on a pas mal de chaussées inondées. Dans la commune du Limbourg, on a des soucis à Welkenrad, à Dison, Soumagne, Liège, à Colonster, j'espère que je prononce bien, à la Louvière aussi. Au niveau des chaussées en tant que telles, le 42 Mons-Tournai aux environs de Perruet, le 42 Liège-Mons à hauteur d'Oudinguny, le Ring de Bruxelles à hauteur de Drogenbos, le R3 à hauteur de Châtelineau, le 19 Valenciennes-Bruxelles à hauteur de Mons, la N55 Binche-Herqueline. Tout ça, ce sont les chaussées qu'on nous signale actuellement comme inondées. Pour le reste de la circulation, plusieurs accidents sur la N4 Namur-Arlon aux environs d'Herpan en direction d'Arlon, sur le 411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbey, passage difficile dans la bretelle de sortie vers Arlon, une voiture sur le toit sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Corbeil, bande de droite neutralisée, des fils en direction de la capitale. Au niveau du ring parkings de cette capitale, eh bien, ça saturé en circulation extérieure. Grand Bigard au titre, Zaventem, Grand Bigard. Dans les deux cas, vous perdez une cinquantaine de minutes sur ces tronçons. Et a priori, il pleut très fort là-bas. Et en circulation intérieure, Grand Bigard, Zaventem, vous perdez une quarantaine de minutes. On nous signale, attention, si vous quittez Bruxelles via le 411 Bruxelles-Namur à hauteur d'Oulart, on nous signale un bouvier, donc un chien errant sur la route. Soyez prudents. Et puis, pour terminer, un accident s'est produit sur la N243 Wavre-Torambay à hauteur de Chaumont-Gistoux. La chaussée est actuellement fermée dans les deux sens. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Avant 18h, on prend la direction de Vaux-sur-Sur. Vous l'avez entendu dans le journal, il y a une partie du Ravel qui a été fermée puisqu'un puma aurait été vu par trois témoins. Alors comment faire quand vous retrouvez face à un puma? Et où en est cette histoire de puma à Vaux-sur-Sur? La réponse avant 18h, c'est promis. On va s'intéresser aussi au gros buzz du jour qui concerne Marwan Fellaini dans un instant avec Jérôme Elgers. Et puis il y a toujours ce cadeau à gagner si vous voulez faire plaisir à votre papa. Il va pouvoir repartir grâce à Super Smartphone Man avec un super téléphone, un super smartphone. Alors vraiment, c'est le top du top. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment. D'après tous les sites spécialisés, c'est le téléphone qui a la classe. Il vaut 800€. Et c'est le Samsung Galaxy S7 Edge. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas au-dessus. C'est le maximum. Votre papa va avoir ce téléphone. Vous-même, vous êtes papa, vous voulez vous faire un auto-cadeau. Vous avez le droit. Puis si vous n'êtes pas papa, chut, on dira rien, mais vous pouvez jouer aussi, bien sûr. Vous envoyez papa, P-A-P-A, par SMS au 60-03, c'est 75 centimes le message. Faites-le maintenant parce que tout à l'heure, il sera trop tard. Je vais appeler un moment en direct, peut-être votre numéro, peut-être vous, si vous inscrivez, pour vous dire simplement que le téléphone de 800€, il est pour vous, ce super smartphone. Donc pour l'avoir, papa, P-A-P-A, au 60-03, c'est 75 centimes le message. Et je pense que ça va dépanner 2-3 personnes quand même qui n'avaient pas d'idée cadeau pour la fête des pères ce week-end, qui là maintenant ont le truc en or. Je vous souhaite bonne chance. Pour le foot, vous amènerez les pizzas, les gars? Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Le smartphone dernier cri. Vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28€ par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir, l'avenir est au contenu. Profitez dès aujourd'hui d'une belle action chez Optica. À l'achat d'une monture avec verre optique, vous recevrez une deuxième paire gratuite, voire conditions en magasin. La vue n'est pas un luxe. Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be. Les commerçants du centre commercial de Barchon et les commerçants avoisinants vous accueillent du jeudi 9 au dimanche 12 juin pour leur grande braderie annuelle. Profitez de nombreuses promotions. Exceptionnellement, les commerces seront ouverts dimanche 12 juin toute la journée. Tous les les matins sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec le 8-9, c'est Benjamin Maréchal qui est là. Et alors demain, il reçoit le rappeur, humoriste, scénariste français Camini. Vous vous souvenez de Marly Gaumont? C'était sa chanson « Bienvenue à Marly Gaumont ». Eh bien, il est de retour avec un spectacle. Vous allez pouvoir en entendre parler demain et voir aussi Camini. Ce sera sur la Une en télé. Le 8-9, rendez-vous demain matin sur Viva et sur la Une, dès 8h avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. 17h, 19h, 5 à 7. Il est l'heure de parler de sport avec Jérôme Elguerz. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Alors on va parler du dernier buzz, Diable Rouge. Oui, les Diables qui sont dans l'avion en plein vol entre Bruxelles et Bordeaux. Un vol qui a été retardé de 30 minutes à cause des orages. Arrivé prévu un peu avant 19h à Bordeaux. Et là c'est du breaking news, flash live exclusif Cyril. L'avion est en ce moment au-dessus de Saint-Omer. D'accord. Ils ont donc quitté la Belgique, ils sont arrivés en France. Alors ce vol, on en a parlé aujourd'hui, mais surtout Cyril, le sujet débat, c'est évidemment le nouveau look capillaire de Marwan Fellaini. Difficile de passer à côté. Le Diable Rouge s'est teint les cheveux en blond. Fellaini était déjà très visible avec sa grosse touffe crôlée, mais visiblement ça ne lui suffisait pas. Il a décidé de garder ce bouillis géant fait de cheveux, mais il passe donc du noir au blond. Marwan a lui-même fait la publicité de sa nouvelle coupe en postant un message sur les réseaux sociaux. Une photo de lui posant élégamment avec ses crôles blondes et un message texte en anglais « Here we go with Blondie Felly ». Traduction: on y va avec Blondie Felly. Blondie Felly, ce sera donc son nouveau surnom pendant l'Euro. Marc Wilmots avait donné un jour de congé hier à ses joueurs et voilà le travail. Vous trouvez ça comment, Cyril? Alors, c'est spécial, quoi. Ça lui va pas trop mal, mais on dirait quand même un peu une perruque posée sur sa tête, du coup. Ouais, plus qu'avant. Vrai. On n'a pas l'habitude de le voir comme finalement, ça. Finalement, il n'y a que la couleur qui change. Donc voilà, ouais. ça reste du Fellaini. Mais je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à un ancien joueur colombien très connu dans les années 90, Carlos Valderrama. Valderrama, c'était pas le meilleur joueur du monde, mais grâce à son look, beaucoup de fans de foot se souviennent de lui. On peut dire qu'il a marqué son époque. Valderrama, c'est lui, Cyril. La ressemblance, elle est quand même là avec Marwan, ouais, je trouve. C'est là. On va vous mettre la photo sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Pour les auditeurs qui ne voient pas la photo, Valderrama, c'est une touffe de cheveux crôlés aussi. Oh, c'est Paul Naref avec un maillot de foot. Une touffe blonde, un mélange entre Fellaini et Paul Naref. Moi, je disais une sorte d'alpaga ou de lama ou de mouton qu'on n'a pas tendu pendant des années. C'est un peu ça. Hein. C'est vrai, ouais. Et quoi, vous pensez que Marwan Fellaini, alors, c'est le nouveau Valderrama avec cette coupe? C'est tout à fait possible. Et Marwan est déjà quelque part une icône grâce à sa coiffure assez inhabituelle. Ses cheveux sont même devenus en fait un produit marketing. Durant la Coupe du Monde au Brésil il y a 2 ans, les supporters belges avaient acheté les perruques Fellaini. On les voyait dans les stades. Il faudra donc racheter ici une perruque blonde pour coller à l'actu et être plus fashion. C'est bien connu, le footballeur est le vecteur des effets de mode, effets coiffure, etc. Il y a eu la coupe Beckham, la coupe Cristiano Ronaldo, il y en a eu beaucoup comme ça. Les coiffures des joueurs qui vont s'illustrer cet été, on va les retrouver sur la tête de nos enfants à la rentrée scolaire en septembre. Et déjà, bon courage aux parents, parce que c'est pas des coiffures qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que celle de Fellaini, il faut un petit peu de temps, quoi. Faut laisser pousser. Ou alors il faut mettre une moumoute tous les jours, quoi. C'est pas non plus l'idéal. Et en ce moment, il fait lourd, ça colle sur la tête, ça sointe. Enfin bon, c'est Et je dis bon courage aux parents parce qu'il y a un autre diable qui possède une coiffure assez spéciale et qui plaît aux enfants. C'est Raja Nengolan avec sa crête d'Iroquois. Apparemment, ça marche beaucoup. Mais pour revenir à Marwan Fellaini, quand on est un sportif, c'est parfois pas une très bonne idée de se teindre les cheveux en blond. Durant les années 90, beaucoup de sportifs se sont peroxydés les cheveux, notamment en cyclisme, les coureurs de l'équipe Festina 98, Virenque, etc. En fait, la légende urbaine racontait que les cheveux peroxydés permettaient de masquer et cacher la prise de produits interdits lors des contrôles antidopage. Certaines traces de produits en fait se retrouvaient sur les cheveux, mais s'ils sont teints, eh bien ça enlève une partie des traces. Voilà, tout cela n'est plus d'actualité. Vous voulez dire que Virenque se serait dopé? On dirait. J'ai bien l'impression. Je pense que là, il n'y a plus de doute. Mais tout ça n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais quand on voit un sportif teint en blond, c'est mécanique. On repense à ça, quoi. Eh bien, je vais vous demander votre avis sur la page Facebook de l'émission. Je vais mettre les deux photos de Marwan. Même 3 photos. Marwan avant, Marwan maintenant. Et Carlos Valderrama, alors, le colombien. Exactement. Le mouton, comme on l'appelle. Le Paul Naref du foot. Exactement. Dans le milieu des coiffeurs, c'est le mouton. Je vous mets les photos sur la page Facebook de l'émission. Et puis, vous donnez votre avis. On va se faire un petit match pour savoir qui a la meilleure coupe de cheveux. Je vous rajoute vous aussi, Jérôme, ou pas? Bon, ce sera pas nécessaire. Il est temps que j'aille chez le coiffeur aussi, mais... C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je peux pas rivaliser avec eux. C'est effectivement, il y a du boulot. Il me manque quelques crawls aussi. Merci Jérôme, à tout à l'heure pour le journal des sports. Il est 17h43, toute petite pause. Et puis dans un instant, on part au Pérou, retrouver Jonathan. Jonathan, il fait le buzz. Il y a plus de 90 médias qui l'ont contacté pour faire des interviews. Il a accepté de vous parler à vous, auditeurs de Vivacité. Il fait des photos pour assurer sa maman un peu partout où il est dans le monde. Jonathan est avec nous en direct du Pérou juste après ça. Bonjour, c'est Thibaut Courtois. Quand Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Non seulement quand vous allez au casino de Spa, la chance peut vous sourire à tout moment, mais d'ici fin juin, vous risquez en plus de repartir au volant d'une Mini. Oui, plus vous passez au casino et plus vous avez de chances de la gagner, cette Mini. Trop facile. Casino de Spa, source de jeux depuis 1763. La grande finale de l'opération, c'est ce jeudi 23 juin. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes que soient se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé hey, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On part au Pérou, dans un instant, Jonathan fait le buzz, ses photos sont partagées partout, parce qu'en fait partout où il va, partout où il fait une activité à travers le monde, et il voyage beaucoup, il fait une photo pour rassurer sa maman avec le hashtag Mom I'm fine, maman je vais bien, pour la rassurer, et ça tourne partout à travers le monde. Jonathan sera avec nous en direct du Pérou dans un instant, mais avant, on va partir à Paris. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Aujourd'hui il y avait la remise du disque d'or de Renault à Renault pour ses ventes d'albums en Belgique, et si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que c'est une auditrice de Vivacité qui allait lui remettre, elle s'appelle Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Comment ça va Pascal? Vous avez rencontré Renaud tout à l'heure, là, il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai rencontré Renaud à 3h dans sa brasserie préférée à Paris. Et là, je suis dans le Thalys, prête à revenir. Donc, je lui ai bien donné le disque d'or. Et j'étais accompagnée de Laurine Portman, de la Warner Music. Oui, sa maison de disques. Ça s'est très bien passé aussi. Et le disque était magnifique. Le graphisme du disque d'or était vraiment magnifique. Il était content de le recevoir. Oui, il était très content. Il était très, très content. Et donc, il a parlé un peu qu'il venait à Bruxelles au mois de novembre et qu'il avait apparemment 3 soirées prévues. Oui, et vous avez fixé rendez-vous? Non, pas vraiment. Non. Quoi? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Il ne vous a pas donné rendez-vous? Parce que lui, il vous a fait venir dans sa brasserie préférée à Paris. Vous auriez pu le faire venir dans votre brasserie préférée en Belgique. J'aurais bien aimé, mais il était très content d'avoir son disque. En fait. Il était vraiment très préoccupé par son disque. Et donc, on a parlé beaucoup de disques, de son nouveau disque, etc. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? On peut savoir ou c'est secret? C'est secret. C'est vrai. Mais j'étais très émue aussi. Donc, voilà. Donc, c'est assez secret, oui. C'est un gros secret? Non, il n'y a pas de gros secret. Non. Moi, vous ne voulez pas nous dire. Hein. Non, je ne veux pas dire, non. C'est voilà, votre petit truc entre agréable. Renaud et vous. On va lancer une rumeur, attention, voilà. Faites gaffe. Hein. Voilà. Pascal, voilà. On va mais lancer... Il y a mon mari qui écoute aussi. Oui, bah, alors, le mari, comment il s'appelle le mari? Marc, faites Marc. Gaffe, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit secret, il y a un truc qui se met en place entre Renaud et Pascal. Hein. Oui. En plus, elle ne nie pas. Oh là là. Mais, prise oui. la main et dans le sac. Oui. Et je dois dire que je tiens vraiment à remercier aussi Laurine, qui était vraiment d'une compagnie très agréable, et donc tout s'est très bien passé. Bah, Laurine qui travaille pour la maison de disques de Renaud et qui vous accompagnait à Paris pour cette journée. Qu'est-ce que vous retiendrez? S'il y a un moment particulier à retenir de cet après-midi avec Renaud, c'est quoi? un grand voyage pour aller jusqu'à lui. Ouais. Et voilà, une émotion particulière parce que j'ai pris Renaud depuis le début et donc c'est très émouvant de le voir revenir et il a l'air d'y croire. Il a dit qu'il était ému aussi. Voilà, donc voilà, c'est Renaud, il est vrai. Renaud, il est avec des tripes, donc Renaud, c'est toujours émouvant, quoi. Voilà. Et il mangeait quoi, sa brasserie? Vous pouvez nous dire? Il mangeait rien, il buvait. Il buvait, c'est tout. Il buvait de quoi l'eau. De l'eau? Ah, c'est bien, ça c'est rassurant. C'est rassurant, c'est bon signe. Oui, je crois qu'il est reparti là. Pascal, il a vraiment envie de repartir. Vous avez pris des photos de tout ça? Oui, je vais vous les envoyer. Ah bah j'espère bien. Je vais vous les envoyer. Ah bah. J'ai pris des photos. J'ai tenu ma promesse et je vous les enverrai. C'est très gentil. Vous m'envoyez ça et puis on partage avec les auditeurs alors ce que vous avez vécu. Ça reste votre moment et votre secret à vous, mais comme ça les auditeurs peuvent vous dire « Ah, oh, elle a eu de la chance parce qu'elle a remis le disque d'or à Renaud. » Et au moins, on verra à quoi ressemblait ce disque d'or. Oui, mais c'est bon. Pascal, merci de nous avoir raconté tout ça et puis gardez bien tous ces petits souvenirs pour vous et je vous souhaite une excellente soirée, un bon retour. Merci, au revoir. À bientôt, Pascal, au revoir. Il est 17h49, il est l'heure de vous rappeler qu'il y a un beau cadeau à gagner quand même. Vous allez pouvoir sauver la vie de votre papa si votre papa a un vieux téléphone. Vous savez, un téléphone encore, vous avez tit, tit, tit, tit, tit, quand on appuie sur les touches, des vraies touches. Est-ce qu'on sait encore ce que c'est des touches? Ce sera un téléphone avec un écran, bien sûr, puisque c'est un smartphone que je vous offre. Et c'est pas n'importe quel smartphone, c'est le meilleur smartphone du moment. Il vaut 800€. Il s'appelle le Samsung Galaxy S7 Edge. Alors votre papa, à tous les coups, sera ravi d'avoir ce téléphone. Maintenant, vous pouvez aussi l'arnaquer un petit peu, lui donner votre ancien téléphone et garder celui-là pour vous. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous avez gagné ça sur Vivacité. Donc, si vous voulez repartir avec ce téléphone, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez un petit SMS, le code PAPA, P-A-P-A, simplement 4 lettres, pour repartir avec ce téléphone de 800€. Je vous souhaite bonne chance. C'est au 60-03 que ça se passe. C'est 75 centimes le message. Et dans quelques minutes, il sera trop tard pour jouer. C'est la dernière fois que je vous dis que vous pouvez vous inscrire. Après, ce sera plus possible, puisqu'après, je vais appeler peut-être votre numéro si vous êtes inscrit pour repartir avec ce téléphone. Donc, papa au 60-03, bonne chance à vous. Ah, justement, cette musique-là, ça vous fait penser à quoi? Ça peut faire penser au café, parce que je pense que c'était la musique d'une pub pour du café, mais ça fait penser aussi au Pérou. On va partir au Pérou tout de suite, retrouver Jonathan. Jonathan, vous faites le buzz ces dernières heures, on vous voit partout sur tous les sites d'actu, en Belgique, en France, dans le monde entier, parce que vous postez tout le temps des photos avec le hashtag Mom, I'm fine. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, enfin bonjour ici, bonsoir là-bas. Alors, il est quelle heure au Pérou en ce moment, puisque vous êtes au Pérou actuellement? Oui, alors il va bientôt être 11h du matin. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Le soleil. Voilà, exactement. Mais ici, je crois que c'est à toutes les heures, c'est l'heure de l'apéro. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va partir au Pérou alors avec toute l'équipe, parce que c'est pareil dans l'équipe. Avec de l'eau, bien évidemment. Jonathan, juste un petit mot avant de parler de ce buzz. Qu'est-ce que vous faites au Pérou? Vous êtes en voyage? Vous travaillez là? Vous voyagez tout le temps? Alors, pour l'instant, je ne travaille pas encore, mais je suis en voyage, donc je n'avais jamais été au Pérou. Et je suis dans une ville qui s'appelle Arequipa, qui est dans le sud du Pérou, et je vais bientôt aller vers Cusco. Donc, je partirai ce soir vers Cusco. Un bon Cusco merguez. La ville hein. La plus proche de... plus près de Machu Picchu, en fait, voilà. Machu Picchu avec des très beaux... Il y a des temples là-bas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. C'est tout simplement une merveille. Ouais, et cette ville a un magnifique nom, Machu Picchu. C'est pas crédible quand on dit tu vas où? Je vais à Machu Picchu. J'ai l'impression que c'est un bonbon. Donne-moi un Machu Picchu pour rafraîchir un peu mon haleine. Jonathan, vous avez posté des photos avec le hashtag Mom I'm Fine et depuis c'est la folie, puisque vous nous disiez tout à l'heure quand on vous a contacté qu'il y avait plus de 90 médias qui vous avaient demandé des interviews. D'où vient cette idée de rassurer votre maman avec des photos et ce hashtag? On vous voit par exemple sous l'eau, vous tenez un papier avec Mom I'm Fine. Maman, je vais bien. En fait, l'idée est née il y a environ, donc au mois de mars. Au mois de mars, j'avais décidé de tout quitter donc, pour pouvoir voyager. Ouais. Jusqu'à vendre ma voiture. Et donc, j'ai commencé par Cuba, donc la toute première destination, parce que j'avais peur que Cuba change, vu qu'il y a des rapprochements avec les États-Unis, et donc l'embargo va être levé, etc. Et donc le pays va vraiment changer. Vous voulez un petit mojito, par l'Amérique latine. Oui, effectivement, c'est loin d'Aïkiri. Et donc, je me suis rendu à Cuba, et là, c'était très compliqué pour être en contact avec mes amis. C'est-à-dire, s'ils m'écoutent pour l'instant, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment, je leur passe le bonjour. Ouais, et donc, c'était très compliqué de rentrer en contact avec eux, parce que le Parti communiste cubain bloque Internet, et donc, c'est très difficile d'avoir une connexion Internet ou des télécommunications. Donc, tout ce qui est Skype, Facebook, et tout ça, c'est compliqué. En fait, disons que Samsung bloque le Wi-Fi cubain. Je crois que c'est pour des raisons de sécurité. D'accord. Et donc, c'est impossible de se connecter au Wi-Fi. Et donc, j'avoue que j'ai remarqué à quel point j'étais dépendant de mon téléphone au moment où j'étais à Cuba. Donc, il fallait que je trouve une autre manière. Donc, ma mère était assez inquiète. Elle me disait, voilà, tu pars seul en Amérique latine. Donc, il faudra que tu me donnes des nouvelles. Et j'avais beaucoup de mal à lui en donner. Donc, j'ai trouvé une idée. C'était assez simple. C'est que, c'est ce que vous avez expliqué, en fait. C'est que pour que tout le monde puisse comprendre, vu que je parle en espagnol avec ma mère, mes amis parlent français. Et puis certaines personnes me posaient des questions de ce que je faisais, donc voilà, j'ai décidé de le faire en anglais, donc d'écrire « Mom, I'm fine », donc pour dire « Maman, je vais bien », et à chaque fois dans des situations différentes. Au départ, c'était très simple, c'était à Cuba, donc pour montrer un peu le paysage, et parce que voilà, une photo vaut plus que 1000 mots, donc c'était beaucoup plus simple, sauf que ça a pris, enfin mes amis ont aimé ça, et puis je trouvais ça assez marrant, donc j'en ai fait une deuxième, celle-là était au Mexique, donc à Spring Break, Cancun, et qui montre un petit peu l'environnement local. Ouais. Et donc, ça s'est petit à petit, il y a eu un premier média, puis un deuxième média qui m'ont vu faire la photo. Et donc, parmi ceux-là, il y avait RTL TVI qui avait fait une émission. Et puis, ça a pris de l'ampleur et de l'ampleur. Et puis, pour finir, en fait, maintenant, on m'a proposé de faire un conf Instagram. Ah oui, carrément. Donc, tout dessus. Et donc, je l'ai créé. Et à partir de là, ces derniers temps, c'est vraiment explosé. Donc, j'ai vu ces 3 derniers jours plus de 90 médias et des propositions comme ça. Donc, c'est vraiment très, très content. Parce que mon but, sincèrement, les médias, c'est chouette, ça fait rire mes amis, et ma mère est super contente maintenant. Mais mon but, clairement, ce serait de pouvoir continuer à voyager, et donc si je pouvais faire un tour du monde, ce serait vraiment génial. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Pour vous suivre, on a le hashtag MomImFine pour suivre toutes vos aventures. Et puis, on vous souhaite plein de succès, et pourquoi pas, on en parlait il y a quelques jours, il y a ce métier qui permet de faire le tour du monde pour faire découvrir des paysages et des régions à des gens. Pourquoi pas ça pour vous. Jonathan, merci beaucoup d'être intervenu depuis le Pérou, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, c'est super. Bonne journée en tout cas à vous. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir Jonathan. Voici le cactus de Jérôme de Warzé tout de suite. Cactus, le sud du pays est donc touché par d'importantes inondations. Jérôme, on fait le point avec vous. Oui, bonjour, une drache à le mal, une hallebarde torrentielle. Avant toute chose et afin de respecter notre mission de service public, informons la population par divers communiqués de l'Institut Royal Météorologique, dont la clairvoyance et le bon sens ont encore une fois prévalu. L'IRM tient à nous préciser, et nous le remercions, que la première cause d'inondation en Belgique, c'est la pluie. Merci, merci beaucoup, merci, ça fait merci. Nous informons. À Charleroi, drache nationale, le grelons et torrents de boue, qui ne sont pas sans rappeler certaines enquêtes de Sud-Presse, mettons fin à la polémique, cette météo exécrable, ces pluies diluviennes sur Charleroi ne sauraient être associées aux retombées vocales du concert de Lara Fabian au Palais des Beaux-Arts, puisqu'elle ne s'y produit que ce soir. C'est vrai? Certes, des répétitions ont eu lieu hier, donc a fortiori, rien ne permet d'affirmer non plus que ça va aller mieux tout à l'heure. À Durbuis, plusieurs commerces ont été inondés, l'eau s'est engouffrée en cascade dans les ruelles de la ville. Si certains habitants maris ont été contraints d'écoper leur cave et leur salon, d'autres, hilares et ivres de rire, comptaient les caravanes de Hollandais qui passaient devant chez eux sans qu'elles soient tirées par des voitures. Il y a des petits bonheurs simples que la nature et la nature seule est capable de nous donner. La Fédération Wallonie-Bruxelles, pour galvaniser un peu les sinistrés, a décidé de dépêcher à Durbuy un homme politique charismatique, jovial et pétri d'entrain, le plus à même de rebooster le moral de la population désemparée, Rudy Demotte. C'est ce qu'on appelle une double peine. D'ailleurs, à la fin de son discours, hier soir, pas de miracle, les sinistrés ont préféré se rejeter dans l'Ourthe. Petite parenthèse, j'avais posté cette information ludique et proactive sur ma page Facebook hier soir, et les gens sont médiocres. Plusieurs commentaires peu avenants sur Rudy Demotte y ont fleuri. Michel, par exemple, m'informant que cela n'était pas possible. Il y avait 1m30 d'eau, Rudy Demotte ne pouvant donc avoir pied. C'est un peu bas, c'est même très très bas, 1m30, bah oui, Michel. Pierre, qui tente de faire de l'humour en stipulant que Goblet et sa bande ont été appelés en urgence pour organiser des barrages filtrants. Il y a rire et rire. Je ne suce pas de ce sein-là, sachez-le. Et pourquoi pas affirmer que la CGSP va distribuer des gobelets aux malheureux. Ma page Facebook n'est pas le déversoir de vos états d'âme. dames, mais continuez, hein, ça me fait quand même deux vannes en moins à trouver pour le lendemain matin et 40 secondes de comblé. Oui, c'est de l'escroquerie, monsieur Maréchal. Et vous ne serez pas payé, je tiens à vous le dire. Mais vous non plus, parce que vous, dans 40 minutes, c'est deux heures d'émission qui seront comblées par les blagues de votre auditorat. Donc, et si je ne m'abuse, grand bien me fasse, vous profitez à nouveau des détresses des populations locales ce matin en posant une question dont la rigueur journalistique pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder la vase de la décence, de la laisse, bien sûr. Je cite une de vos vestales téléphoniques. En ces périodes d'inondation, vend-on plus de frites avec maillot? Vraiment, monsieur Maréchal. Alors là, c'est d'un niveau. L'école communale de Welkenrath sera fermée ce mardi. Les classes sont sous eau, comme en attestent les caméras de surveillance de l'établissement. Ce sont également elles qui ont permis d'interpeller le professeur et délégué FGTB qui avait ouvert et laissé couler tous les robinets de l'école hier soir et cette nuit. Parce que Wallon, prof et délégué syndical, c'est quelqu'un à risque, évidemment. Urgence et sécurité, Hervé Jamard, le gouverneur de la province de Liège, a donné des consignes rigoureuses, mais pratiques aux habitants. Donc je n'invente rien. D'abord, donc je lis, en les invitant à signaler les inondations uniquement au numéro d'appel d'urgence 112. Donc pour tous ceux qui prendraient l'initiative d'appeler l'horloge parlante ou une pizza hut, par exemple. Donc je continue de placer, donc je n'invente rien, de placer une planche étanche dans l'embrasure de la porte afin de stopper, c'est astucieux. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion de sortir 35 castors de son armoire capable de diriger un barrage en moins d'une demi-heure. Attention, étanche la planche, ne mettez pas votre planche à repasser ou votre planche à voile. Réfléchissez les habitants. Et pour conclure, n'hésitez pas également à aller surfer sur le site inforisque.be recensant les bonnes habitudes à adopter en cas d'inondation. Donc il y a 150 pages. Donc je résume brièvement l'esprit de inforisque.be. Avant les inondations, prévoyez. Pendant, priez. Après, nettoyez. Voilà. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Bruno Mars, Renaud, Black Eyed Peas, Queen, Puggy, Dimitri Vegas, Avicii, 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges, en vente partout et sur la boutique RTBF. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Les orages provoquent à nouveau des inondations ce soir et des perturbations dans la circulation des trains. Les images restent les mêmes. Nous irons à Mété en province de Namur où les autorités et les riverains inondés se disent impuissants. Les wagons accidentés ont été relevés à Saint-Georges-sur-Meuse après la collision qui a fait 3 morts dimanche soir. Il va falloir encore réparer les voies. La boîte noire du train voyageur est en cours d'analyse. Elle mesure 2 mm. Elle a le thorax noir et brillant. C'est une nouvelle espèce de mouche. Elle vient d'être découverte à Bruxelles et c'est un événement plutôt rare en Europe. Les Diables Rouges sont en route pour Bordeaux, leur camp de base à 3 jours du début de l'Euro. Un départ dans la discrétion, il y aura quand même des échos dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité avec Marianne Brillo. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. De nouveaux orages se sont abattus sur plusieurs régions du pays cet après-midi. Difficile de faire un point précis de la situation en ce début de soirée, mais on enregistre à nouveau de très nombreuses inondations, Justine Hermans. Les pompiers de Binche et de Charleroi signalent des problèmes d'inondation à Thoin, Merbe-le-Château, Gauzet, Lobe, Châtelet, Ham-sur-Eure ou encore Herculines. Ils sont submergés d'appels et tentent de dresser des barrages avec des sacs de sable. L'eau monte de toutes parts. À Binche, une dizaine d'enfants seraient bloqués dans un bâtiment menacé par la montée des eaux. Dans la région de Tournai, cette fois, les rues qui entourent les zonings de Froyenne sont inondées. Le zoning aussi. Problème signalé encore à Rhume, à Belœil, à Éligny-Sainte-Anne. Une coulée de boue bloque l'autoroute à hauteur de Perruet et des interventions ont lieu en ce moment même à Moucron. Les inondations qui touchent aussi à nouveau la province de Liège ce soir. C'est le cas à Welkenrath, Limbourg, Theux. Les orages qui perturbent aussi la circulation à la SNCB sur la ligne Montskevi à Couem. Un champ s'est déversé sur les voies. Les deux voies sont inondées jusqu'à demain au moins. Des navettes de bus ont été mises en place. Problème aussi entre Namur et Ciné à hauteur d'Assès où les fortes pluies ont entraîné un problème électrique aux aiguillages. Perturbation encore entre Charleroi-Sud et Walcourt. Merci à Justine Hermans. Les images images restent les mêmes et le désarroi des riverains inondés aussi. Impossible de dire où l'orage peut provoquer des dégâts. À Mété, l'eau est déjà montée à plus d'un mètre hier. Thierry Van Gulli qui a rencontré des riverains et un bourgmestre impuissant. 24 heures après l'orage, l'eau coule toujours du talus derrière cette maison complètement inondée à Pontori, un village de Mété. Des torrents d'eau et de boue ont envahi les rues et les maisons du hameau. Du jamais vu chez Bernadette. En moins de 5 minutes, l'eau a dévalé des jardins. Et mon mari a remarqué tout de suite que c'était l'avaloir qui était rempli. Tout était rempli de cailloux. Les fossés étaient gorgés de déchets. Et les canettes, les plastiques, les bouteilles plastiques, tout ressortait dans notre jardin. Avaloir bouché, fossé obstrué, voilà qui explique en partie l'inondation d'hier. Yves Delforge, le bourgmestre de Mété, ne peut que constater les dégâts. Les fossés, ils ne sont pas toujours entretenus. Peut-être, mais imaginez-vous, 11 000 hectares ici, la commune de Mété. Je fais comment ? Dans des intercommunales, oui, on a le PEP, on peut demander beaucoup de travaux, mais nous, la commune, il faut qu'on paye au finish. Et avons-nous les moyens de veiller à ça ? Bien sûr qu'on est aidé, mais qu'est-ce que la commune peut faire à ça ? Plus tard viendra le temps des questions et des responsabilités. En attendant, les habitants de Pontori, fatalistes, s'apprêtent à vivre à nouveau les pieds dans l'eau. Un reportage de Thierry Van Gulli à Mété. 4 personnes ont déjà perdu la vie dans les intempéries de ces derniers jours. L'alerte orange de l'IRM reste en vigueur jusqu'à cette nuit. À Saint-Georges-sur-Meuse, les wagons accidentés après la collision de dimanche soir, ces wagons ont été évacués. Les voies sont à présent dégagées. La voiture la plus endommagée a été installée à une quinzaine de mètres des rails. Les deux autres ont été remorqués. Infrabel qui gère le réseau attend à présent le feu vert du parquet pour entamer les travaux de remise en état des voies. Écoutez son porte-parole, Frédéric Sacré. On espère avoir l'autorisation de remise en état en fin de journée. Nos équipes travailleront toute la nuit. Il y a une des deux voies où c'est essentiellement du nivellement qui doit être fait. Donc cette voie-là pourrait être remise en service demain à la mi-journée. On pourrait faire passer un train dans un sens et puis un train dans l'autre. Procédure habituelle. L'autre nécessite des travaux un peu plus lourds. Il y a une quinzaine de mètres de rails à remplacer et une cinquantaine de mètres de traverse. Donc ce sont les éléments qui solidarisent les deux rails à remplacer. Et donc ça prendrait combien de temps pour un retour total à la normale ? Donc on espère un retour, une remise en service d'une des deux voies demain à la mi-journée et retour à la normale pour demain fin de journée, mais peut-être raisonnablement plutôt jeudi matin. Le porte-parole d'Infrabel, joint par Justine Hermans. En ce qui concerne l'enquête sur la collision, la boîte noire du train de voyageurs a été retrouvée. Elle est en cours d'analyse, une analyse qui devrait amener des informations précieuses aux enquêteurs. Le bilan de la collision est de 3 morts et 10 blessés. L'un des blessés se trouve toujours dans un état critique. Une majorité de Belges ne font pas confiance à la justice. C'est le résultat d'un sondage RTBF La Libre sur notre perception de la justice. 1032 personnes interrogées, une image plutôt négative de la justice, c'est surtout le cas chez les personnes plus âgées. Et une toute petite minorité, 13%, considère que la justice fonctionne mieux qu'avant. Principal défaut est de loin le délai de traitement des dossiers. Près de 7 personnes sondées sur 10 estiment aussi que la justice doit bénéficier de plus de moyens et c'est en Wallonie que la demande est la plus forte. Et les résultats de ce sondage vont dans le sens des demandes des magistrats. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui. Stop aux économies décidées par le gouvernement et le ministre de la Justice Koen Gaens. Marre de travailler avec des bouts de ficelle, manque de moyens, manque d'effectifs, problèmes d'informatique. Des arrêts de travail ont eu lieu ce matin dans tous les palais de justice du pays. Les magistrats soutenus dans leur action par le personnel des greffes et les avocats. La justice belge est une des plus pauvres d'Europe, une des moins bien financées. À Mons, les magistrats ont dénoncé l'état de délabrement de certains de leurs locaux. Isabelle Palmitessa les a suivis dans leur visite. La visite commence par la salle des pas perdus du palais de justice de Mons. Les statues, les cariatides qui la surplombent se désagrègent. Monique Levesque, présidente du tribunal de première instance du Hainaut. Elles sont dans un tel état que l'inspection sociale qui est venue la semaine passée visiter le palais de justice m'a signalé que si des mesures n'étaient pas prises très rapidement, la salle des pas perdus serait fermée. Ce qui est déjà fermé et interdit, c'est le local où sont stockées les pièces à conviction. Valérie Moreau, présidente du tribunal de première instance, section Mons, nous y emmène. Vous avez vu ici, il y a effectivement des champignons. Vous avez vu, il y a de l'eau par terre. Et ce n'est pas tout. Plus loin, ce sont en effet des caisses éventrées, moisies, des dossiers d'affaires non élucidés qui croupissent dans une pièce humide. Le procureur du roi Christian Henry n'y a donc plus accès. J'ai, de par les progrès de la science, des espoirs de pouvoir élucider un meurtre qui a été commis fin des années 90. Je demande à pouvoir avoir accès à ces pièces à conviction et on me dit que ce n'est pas possible parce que le bâtiment est fermé et qu'on ne peut plus y travailler. Je me trouve donc dans l'incapacité de pouvoir faire mon métier premier, qui est de rechercher les auteurs d'infraction et de les ramener devant le juge. Une situation indigne d'une démocratie, c'est la conclusion de ces magistrats à l'issue de cette visite. Et une nouvelle action des magistrats est déjà prévue le 20 juin à Bruxelles. La France sous tension à 3 jours de l'Euro de football face au risque d'attentat après les États-Unis. Ce sont les autorités britanniques qui mettent en garde aujourd'hui contre des attaques terroristes. Les stades, les fan zones, les lieux où seront retransmis les matchs et les transports publics représentent de potentielles cibles pour des attaques. Avertissement du ministère britannique des Affaires étrangères. Cela fait 20 ans que ça n'était plus arrivé. On vient d'identifier une nouvelle mouche en Belgique. Et figurez-vous qu'elle est bruxelloise, cette mouche. Les spécialistes de l'Institut des sciences naturelles insistent. Des entomologistes qui ne sont pas peu fiers de cette nouvelle espèce. La mouche a été coincée dans un piège à insectes installé dans un parc d'Odergem. Françoise Barré. Tête velue, corps carapacé, recouvert de bandes brunâtres, antennes visibles, pattes fines et extensibles. Bref, Alain Drumont, chercheur, confirme bien, la belle est une mouche de Bruxelles, Trapetis bruxellensis. Cette espèce n'avait jamais été décrite et ne portait donc pas de nom. On l'appelait bruxellensis puisqu'elle a été trouvée à Bruxelles. Et jusqu'à maintenant, elle n'est connue que de Bruxelles et que du jardin Massard en fait. Dans la verdure du jardin Massard, à Odergem, les entomologistes, ces savants des insectes, l'ont piégée dans une tente à insectes. La mouche a été étudiée patiemment, son ADN et sa morphologie. C'est bel et bien une nouvelle espèce inconnue et bruxelloise. Il y avait des différences d'à peu près 11% avec son espèce la plus proche. Donc on savait qu'on était vraiment en face d'une nouvelle espèce pour la science. Une question d'évidence, devra-t-on dans le salon la poursuivre avec la célèbre tapette cet été ? Non, parce qu'elle vit quand même dans des biotopes relativement ouverts. Elle se nourrit d'autres petites mouches et de petits acariens et il ne faut pas oublier qu'elle ne fait que 2 mm. Beaucoup d'espèces n'ont jamais été observées chez nous. C'est donc une belle réussite quand on sait que la faune d'Europe est la plus répertoriée au monde. C'était un reportage de Miguel Allot et Françoise Barré. Vous aimez les mouches, vous ? Je la prends souvent. D'accord, merci Marianne. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans un instant, le journal des sports. Tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. C'est avec Pierre Collard. Bovy, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Avec un lot de problèmes, évidemment, vous vous en rendez compte. Des chutes de pluie un peu partout sur le pays. C'est un petit peu difficile de faire la liste, mais sachez que l'orage peut tonner n'importe où en Belgique pour le moment. On signale un accident sur la petite ceinture à Bruxelles, à hauteur du tunnel Arlois. La bande droite est neutralisée en direction de la basilique de Kuckelberg. Vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, on est proche, sinon carrément dans la saturation. 2-3 exemples de temps de parcours. 66 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem, Carrefour et Léonard. 61 minutes en plus pour l'extérieur Zaventem, Grand Bigard. Plus 35 minutes pour l'intérieur Grand Bigard, Zaventem. Plus 28 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au haut titre. Cela étant, ça diminue un tout petit peu. Un accident à Drogenbos au Carrefour Rayon, la rue prolongée de Stahl. À la rue longue, le passage est difficile. Vous ralentissez pratiquement sur tous les axes pour quitter la capitale. Un accident grave est signalé sur la nationale 243 Wavre-Torrent-Bay, c'est à hauteur de Chaumont-Gistoux. La chaussée est fermée dans les deux directions. Une déviation est mise en place via la rue Croisette et la rue Saucisse. Une voiture sur le toit sur le 411 Namur-Bruxelles aux environs de Corbet. La bande droite est neutralisée et défile en direction de Bruxelles. Un accident sur la nationale 4 Namur-Arlon aux environs d'Herpan en direction d'Arlon. Et un autre accident sur le 411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbé, cette fois, il y a des fils en direction d'Arlon. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguers. Et Jérôme, les Diables sont dans l'avion direction Bordeaux et le vrai début de l'Euro 2016. L'avion spécialement décoré pour les Diables doit arriver à Bordeaux vers 19h. Le décollage a été retardé de 30 minutes à cause des orages. Un décollage en toute discrétion, aucun contact avec la presse et les supporters. Lise Burion a suivi tout ça sur le bitume de l'aéroport. Le vol SN1183 a pris du retard, la faute aux orages, mais les Diables seront vite de retour sur la terre ferme. Le commandant Victor Gamma pilote du Trident aujourd'hui. Oui, c'est 1h15 plus ou moins, donc ça va être assez court, effectivement. Ben, on décolle, on va. Aujourd'hui, il y a un taxi très long d'ailleurs, on décolle de l'autre côté de l'aéroport, puisque les vents sont du nord. Et après, on doit éviter probablement quelques orages si on court. Et par la suite, c'est un vol assez calme, il n'y a pas de turbulence reportée, donc voilà. Accueillis par une haie d'honneur composée d'hôtesses et autres travailleurs de la compagnie, les Diables n'ont pas traîné sur le tarmac. Ils ont évité les gouttes sur leur smartphone. Comme tout bon voyageur, ils devaient immortaliser l'instant. Au menu, un petit snack concocté par le nutritionniste de l'équipe, mais aussi un petit speech préparé par Anne de Winter, la chef de cabine. En fait, on veut déjà certainement leur souhaiter bonne chance pour l'Euro 2016 et qu'ils reviennent avec de préférence la coupe, ça serait merveilleux. Quatre personnes s'occupent des Diables sur le vol, un service discret dans un avion qui ne l'est pas, avec sa robe rouge et ses cornes dessinées au-dessus de la cabine du pilote. Il n'y a pas à dire, la compagnie aérienne a mis les petits plats dans les grands, même pour un voyage très court. Kim Danen, porte-parole de Brussels Airlines. Vous n'avez pas eu peur qu'ils prennent le train pour aller en France? C'est quand même à Bordeaux, c'est quand même loin et ils doivent être bien reposés. C'est le moyen le plus facile pour y arriver. Donc non, c'était sûr. Nous sommes la compagnie officielle des Diables Rouges, donc c'était sûr qu'on allait les amener avec cet avion. On va toucher de la roue droite, comment on dit encore? C'est le pied droit ou la droite ou la gauche? Il faut rentrer dans une pièce pour porter bonheur. Sachez parler. Oui, hein. Et puis le jour où les Diables s'envolent pour l'Euro, c'est le branle-bas de combat au siège de l'Union Belge de foot à Bruxelles. Ça vient de tomber, selon nos confrères du journal L'Écho. Des enquêteurs de la police judiciaire y ont mené aujourd'hui des perquisitions. La fédération aurait mis sur pied des constructions fiscales douteuses. Les policiers ont, semble-t-il, emmené des données de comptabilité que l'Union Belge et la Pro League refusaient de transmettre à l'ISI, à l'inspection spéciale des impôts. Des sociétés auraient été créées au Grand-Duché du Luxembourg dans le but d'éluder l'impôt. Le parquet de Bruxelles, qui a ordonné ces perquisitions, s'est refusé à tout commentaire. Alors, comme Bordeaux, d'autres villes françaises sont prêtes à accueillir les équipes. Exemple à Pornichet. C'est une petite ville sur les bords de l'Atlantique, juste en dessous de la Bretagne. Pornichet sera dans quelques heures le camp de base d'un adversaire des Diables, la Suède de Zlatan Ibrahimovic. La commune de 10 000 habitants se transforme en Ibrahimoville, tant Zlatan est partout. Reportage Anne Patinek. À Pornichet, même ceux qui ne s'intéressent pas au football ne peuvent ignorer que la Suède aura pour camp de base la station balnéaire durant l'Euro. Des drapeaux jaunes et bleus fleurissent un peu partout, dans les rues, dans les vitrines des commerces. Et dans la ville, ils sont nombreux à rêver de croiser la star de l'équipe, Zlatan Ibrahimovic. Pour l'occasion, Philippe Carvela, le gérant de la pizzeria La Gwenaëlle, a inventé une pizza Zlatan. On a fait des recherches pour savoir ce que mangeaient les Suédois. On a trouvé qu'ils mangeaient des boulettes de viande qui s'appellent le kotbulla. On a repris tous les ingrédients de cette recette-là et on les a mis sur la pizza. Alors, il y a de la viande hachée de bœuf, de la viande hachée de porc, des oignons, des pommes de terre. On met aussi un œuf, de la crème fraîche avec de la muscade, du piment, du sel et du poivre. Le rêve pour Philippe Carvela serait que Zlatan vienne goûter sa pizza chez sa voisine fleuriste. C'est un bouquet de roses qui est aux couleurs de la Suède et évidemment, Corinne Dess l'a baptisé Zlatan. On parle que de lui. C'est lui qu'on veut voir, c'est lui qui vient de voir, donc il s'appelle Zlatan. La star n'est pas encore arrivée, mais déjà les produits dérivés s'arrachent. La cinquantaine de bols bretons avec le prénom Zlatan, imaginé pour l'occasion, se sont vendus en quelques heures à la biscuiterie des Marais. D'autres sont en cours de fabrication à la faïencerie de Pornic. Anne Patinek de France Inter qui a visité la ville de Pornichet, camp de base de la Suède pendant l'Euro. Une autre info qui concerne nos adversaires, l'Italie a choisi son futur sélectionneur national. Après l'Euro, Antonio Conte laissera sa place à Gianpiero Ventura qui entraînait jusqu'ici Torino. Et chez nous, durant l'été, les clubs préparent le prochain championnat. Le plus grand chantier est sans doute celui d'Anderlecht et les Mauves sont à la recherche d'un coach. Et des noms circulent évidemment. Le manager Herman Van Olsbeek multiplie les contacts et semble, d'après plusieurs médias, avoir une cible prioritaire, le français Claude Puel. Après son départ de Nice, il est libre sur le marché. La direction rêve même d'un duo en installant Enzo Schifo aux côtés de Puel. L'actuel entraîneur des Diablotins connaît bien le français et le projet pourrait le séduire. Encore quelques infos en bref avec en tennis. D'abord, la reprise Maurice Dalisson Van Uytvanck. Opéré à la cheville, la Belge n'avait plus joué depuis le 22 mars. Van Uytvanck s'est incliné au premier tour du tournoi sur gazon de Rosmalen. Mais la défaite est encourageante. Alisson a accroché la Suissesse Belinda Bencic, 8e joueuse mondiale, 6-2, 4-6 et 7-6. Une mauvaise journée pour le tennis féminin belge, puisque Janina Wickmayer et Kirsten Flipkens ont elles aussi été éliminées au premier tour de leur tournoi respectif. En cyclisme, le Belge Serge Pauwels y a cru, mais la victoire est espagnole aujourd'hui sur le Dauphiné. La deuxième étape revient au coureur Movistar Jesús Herrada. Alberto Contador conserve la tête du général. Et puis sport olympique, la Belgique ira au jeu avec 5 judokas. La fédération a confirmé et arrêté la liste aujourd'hui. 4 garçons, Thomas Nikiforov, Joachim Botio, Dirk Van Tickelt et Jasper Lefevereux. Une seule représentante féminine, peut-être notre meilleure chance de médaille sur les tatamis, Charline Van Snick. Enfin, en athlétisme, Michael Bultel, spécialiste du 400 et a réussi les minima pour participer au championnat d'Europe d'athlétisme à Amsterdam début juillet. Bultel ira donc à l'Euro et enchaînera avec les Jeux un mois plus tard. Merci Jérôme. Dites-moi, est-ce que vous courez vite, Jérôme? Je cours, mais pas vite, à mon rythme. Ah, bah parce que ça peut vous servir de pouvoir de courir vite, parce que vous avez entendu cette info à Vaux-sur-Sûre. Il y a un puma qui a été vu. J'ai rigolé d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est une vraie info, il y a vraiment un puma qui aurait été vu. Parce que c'est pas juste un gros chat. Alors on va s'y intéresser dans un instant, il y a le directeur, un ingénieur forestier qui sera avec nous, directeur du département de la nature et des forêts, du département qui gère tout ça. Donc il viendra nous dire dans un instant si effectivement c'est un puma ou pas. En tout cas ils ont fermé une partie du Ravel. Et je me pose la question de savoir si vous êtes face à un puma, est-ce que vous devez courir très vite ou ne pas bouger? Je pense que dans un premier temps, je ne bouge pas pour voir un peu la réaction de l'animal, mais c'est là, pas... Et après, il vous a mangé, donc vous ne bougerez plus. Parce qu'en plus, ça grimpe dans les arbres, ça, donc il n'y a pas vraiment de solution. Ah, si vous courez, il est derrière vous. Si vous allez dans un arbre, il est derrière vous aussi. Quoi qu'il arrive, il va vous manger. Voilà. On verra dans un instant ce qu'on peut faire quand on se retrouve face à ce genre d'animal, et surtout ce qu'il en est de ce puma aperçu aujourd'hui à Vaux-sur-Sûre. Merci Jérôme, bonne soirée, il est 18h19. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, la 2, la ville de Liège et Moustique. Connaissez-vous la boucherie? C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mougny à Ouï, près de la Grand Place. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Avec Peugeot Shins, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Venez découvrir le tout nouveau SUV 2008 lors des portes ouvertes ces 11 et 12 juin. Et seconde bonne nouvelle, profitez de ce week-end pour essayer votre modèle préféré. Toute la gamme Peugeot sera disponible pour un essai. Peugeot près de chez vous, c'est Shins bien sûr. Toutes nos adresses sur peugeotshins.be. Peugeotshins.be. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le Côte du Rhône Rosé Dieu Merci en 3 plus 3 gratis, soit 2,85€ la bouteille. Intermarché, tous unis pour gagner. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Ces 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Delice et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1000 euros à gagner. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Il est 18h21, dans un instant le Dico Food avec Candice Cotter, et puis avant on va revenir sur cette histoire. Alors Jérôme me le disait il y a un instant dans le journal des sports, ça peut faire sourire, c'est vrai, il y a un puma qui aurait été vu du côté de Vaux-sur-Sûre. Alors est-ce que ce puma a vraiment été vu? Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un puma? Comment on gère ce genre d'histoire? On va en parler tout de suite avec Bernard Desaumes, vous êtes ingénieur forestier, directeur du département de la nature et des forêts de la zone de Neuchâteau. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors un petit mot, parce que c'est votre équipe qui a travaillé sur cette histoire de puma aujourd'hui. On en est où déjà? Il y a un puma qui a été vu ou pas? Il y a un puma à Vaux-sur-Sûre? Effectivement, il y a plusieurs observations qui ont été faites la semaine passée par différentes personnes. Et nous n'avons pas recueilli d'indices bien précis jusqu'à maintenant, mais apparemment la description de l'animal pourrait correspondre à un puma, effectivement. C'est comme ça que nous l'ont présenté les deux ou trois témoins qui ont pu apercevoir cet animal dans des pâtures parmi du bétail dans la région. Mais c'est impressionnant, qu'est-ce qu'il fait là ce puma? Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Mais écoutez, bon, c'est pas la première fois que à la campagne, dans les Ardennes, on observe un animal de ce type exotique. Il y avait eu une panthère à Bellaneuve il y a quelques temps. Voilà, exactement. Donc elle n'avait pas été vue qu'à Bellaneuve, elle avait été vue à différents endroits. D'où est-ce qu'un animal comme ça peut venir? Ben, il est répandu en Amérique, donc il n'est pas venu tout seul, donc soit il s'est échappé d'un parc animalier, soit d'une collection privée. Nous n'avons pas de plainte jusque maintenant, donc on n'a pas su déterminer ou lancer un avis de recherche sur un animal qui serait échappé. Donc on pense que ça pourrait être, si c'est le cas, un animal venant d'une collection particulière qu'on a soit relâché, soit qui s'est échappé. En tout cas, le particulier n'a rien dénoncé jusque maintenant. D'accord, bah parce que c'est forcément pas toujours légal d'avoir ça chez soi, il faut des autorisations particulières, donc on n'a peut-être pas envie de se dénoncer tout de suite non plus. Peut-être, mais c'est une hypothèse puisque bon, l'animal, l'observation n'a pas été confirmée, d'accord, si vous voulez, par une photo ou par des indices style des traces de pas, une carcasse suspecte qui aurait été prise par cet animal-là qu'on aurait mis en fuite, etc. Donc jusque maintenant, ce sont des personnes qui ont aperçu un animal dont la silhouette correspondrait. Effectivement, voilà. Bernard, je suis en train de me balader à Vaux-sur-Sûre ou ailleurs. Je me retrouve face à un puma. Je fais quoi? Mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'alarmer, ni jeter de vent de panique dans la population, etc. Donc je pense que tout le monde doit maintenir son comportement qu'il avait jusque maintenant et continuer à vaquer à ses occupations en attendant qu'on confirme, si vous voulez, des observations. Sinon, si on voit on aperçoit ce type d'animal, on je fait pense une photo. Qu'il faut... éventuellement. On prend une son photo, smartphone, on a voilà, une star sur Facebook. En tout cas, il ne faut pas paniquer. Tout dépend de la distance à laquelle on l'observe. Si l'animal est assez proche, ben, je pense qu'il faut pas faire de gestes brusques. Il faut pas courir vers lui. Il faut pas se sauver ni paniquer non plus. Donc, je pense qu'il faut rester calme. Prévenir dès que possible les autorités, faire le 101, et à ce moment-là, ben, on enverra un service, si vous voulez, pour essayer de localiser plus précisément, voire d'identifier l'animal. Eh bien, merci pour ces précisions, Bernard. Je vous souhaite une excellente soirée. Oui, vous voulez préciser quelque chose? Disons que, vous savez, malgré les observations qu'on a faites, etc., jusque maintenant, de panthères et parfois autres, bon, il n'y a pas eu d'accident, en tout cas jusque maintenant. Donc, l'animal qui a été observé, il se baladait dans un troupeau, dans du bétail, si vous voulez, qui est des bovins qui sont en pâture, et jusque maintenant, il ne manifestait aucun signe d'agressivité. On n'a pas retrouvé de carcasse, rien du tout. Donc, surtout, pas de panique à la population. Voilà. Puis des animaux sauvages, il y en a souvent chez soi, même à la maison. Parce que j'entends régulièrement à la maison ma femme qui me dit qu'il y a un ours qui vit chez nous. Je pense qu'elle parle de moi dans ces cas-là. Donc on a l'habitude d'avoir des grosses bêtes autour de nous quand même. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée Bernard. Merci vous d'être également. Passé ce soir dans le 5 vous à 7. Merci. Il est 18h26, voici le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food, Dico Food, Dico Food, Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonjour Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre T. On va faire des taralucci ou des taralini. Vous allez voir, le mot paraît étranger et méconnu, mais ne l'est pas. Vous allez voir, ce sont ces petits biscuits italiens. Vous avez déjà tous vu ça, on les trouve dans les supermarchés, ces biscuits apéritifs italiens, généralement aux graines de fenouil, en en U, fermé, en petit anneau, fermé. Et ces biscuits-là sont savoureux au possible. En fait, c'est un biscuit à l'huile d'olive et au vin. Donc, c'est une base très moelleuse pour le biscuit. Ça vous fait un biscuit qui est en même temps craquant et en même temps très parfumé, parce que l'huile d'olive contenue dans le biscuit est un vecteur de saveur. Donc, vous avez cette matière grasse qui va être un liant et un vecteur ici, en l'occurrence, de ces graines de fenouil. La recette traditionnelle est à base de graines de fenouil. Maintenant, vous en trouvez au romarin dans les supermarchés. Vous en trouvez même aux olives parfois. Enfin, vraiment, comme un grésini, ça a évolué vers plein de saveurs différentes. Mais la graine de fenouil est vraiment, vraiment quelque chose qui fonctionne bien. En Italie, d'ailleurs, vous les trouvez aussi sucrées et parfois sucrées-salées sur cette base de graines de fenouil avec un sucre un peu un style impalpable par-dessus. Ça peut fonctionner extrêmement bien à manger, donc avec un repas salé ou en grignotage sucré tel quel. Les deux sont possibles. Et donc, vous allez voir qu'en fait, c'est très simple parce que c'est une recette de 4 ingrédients. 4. De la farine, 200 grammes. De l'huile d'olive, c'est la base. 50 ml, du vin blanc, prenez un vin blanc sec, 60 ml, donc quasiment la même quantité de vin et d'huile, et vos graines de fenouil, une pointe de sel, et vos graines de fenouil. La graine de fenouil, vous pouvez utiliser de la graine de fenouil pure, vous pouvez utiliser de l'anis vert, vous pouvez utiliser de la graine de carvi, vous pouvez utiliser du fenugrec, selon ce que vous avez à la maison. Maintenant, on trouve beaucoup de choses différentes dans les supermarchés, de plus en plus d'épices, mais la graine de fenouil a vraiment énormément de saveur. Vous mélangez tous les ingrédients pour faire la pâte, si elle colle trop, vous ajoutez un tout petit peu de farine, et vous laissez reposer, c'est important, 20 minutes. Un four qui préchauffe à 190, vous portez une casserole d'eau bouillante salée à ébullition, vous formez des anneaux de pâte et vous les plongez 10 par 10, vous allez voir que la pâte se laisse faire, vraiment c'est assez simple, vous les plongez 10 par 10, vous les retirez comme des gnocchis dès que ça remonte à la surface et vous les laissez un peu sécher sur un torchon. En fait, ça demande juste cette pré-cuisson à l'eau bouillante comme un donut. Et ensuite, vous placez vos biscuits sur une plaque de four recouverte de sulfu et dans ce four qui a préchauffé à 180, vous les mettez encore 25-30 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant, légèrement doré, et vous avez vos tarallucci comme là-bas. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certainement. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur volkswagen.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Comment fonctionne la justice belge? Qui s'occupe de quoi et à quel prix? La magistrature attire-t-elle encore les jeunes? Quelles sont les conditions de détention en prison? Témoignages, reportages, portraits et bien plus encore. Retrouvez toutes les réponses à ces questions du 4 au 9 juin exclusivement dans La Libre. La Libre, faisons vivre l'info. Ce 11 juin, c'est le beau samedi de Robert. Rendez-vous à l'IPES de Warem et choisissez votre randonnée à vélo 83 123 km ou la balade familiale de 20 km. Dès 11h, animation gratuite pour enfants et ados. Et pour tous, la grande fête, le barbecue dès 18h. Ce 11 juin à l'IPES Warem, entrée rue de Huy. Infos et inscriptions au 019 32 22 60. Covitain Construction vous invite à découvrir sa nouvelle réalisation ces 11 et 12 juin. Visitez nos appartements témoins situés au cœur de Warem, rue Rena Street 42. Plus d'infos, covitain.be. Les belles maisons, c'est Covitain Construction. En ce moment, chez Renault Néry, profitez de conditions incroyables sur tous nos modèles prêts à partir. Chez Renault Néry, offrez-vous une Renault 9 disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3 000 € d'avantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault Néry à Fléron, Grivenier et Liège-Buranville. Vivre. 18h30, 7h30, voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les orages sont de retour et perturbent notamment la circulation ferroviaire. C'est le cas par exemple à Couëm près de Mons où les voies sont sous eau, au moins jusque demain, dit Infrabel. À Binche aussi, des intempéries dans la région de Thouin, mais aussi Belle-Oeil-Tournay. Les orages qui touchent parfois les mêmes endroits qu'hier, comme à Dolan, Limbourg, Welkenrad, disons, ou Soumagne. À Saint-Georges-sur-Meuse, les deux derniers wagons qui restaient sur la voie ont pu être dégagés. Ils sont remis sur les rails. Des tests sont en train d'être effectués. Les voies ont subi de gros dégâts. Infrabel attend le feu vert du parquet pour commencer les réparations. Il faudra sans doute encore attendre plusieurs jours avant que le trafic ne puisse reprendre sur cette portion entre Namur et Liège. Et puis avant les attentats de Paris, les terroristes avaient loué sous un faux nom une quatrième planque en Belgique, à Jette. Les enquêteurs l'ont découverte le jour des attentats de Bruxelles, à l'aube, ce qui fait que l'information était passée inaperçue jusqu'ici. On vous la détaille dans 19h. Vous voulez un petit thé au miel, quelque chose pour votre voix? Oui. Oui, mais vous n'en avez pas. Je vais aller vous préparer ça, je vais trouver, je vais retourner, je vais ouvrir les vieilles armoires. Il y a peut-être une vieille brique de lait qui traîne, mais je vous le ferai avec amour. Je dois travailler jusqu'à 23h, donc essayez de ne pas me rendre encore plus malade que... Je garantis rien, je garantis un lait au miel, je garantis pas la qualité. On vous retrouve peut-être tout à l'heure à 19h avec votre voix. Merci Natacha. 18h32, un petit point sur la météo, Dominique. Avec encore de fortes averses orageuses prévues pour ce soir, puis en cours de nuit, on assistera à un lent retour, un temps plus sec paraît-il. À partir du nord, minima de 14 à 17 degrés. À partir de demain, la masse d'air va bouger et on va perdre quelques degrés, 19 à 25 degrés en journée. Et les averses vont quitter le pays le matin par le sud-est. Jeudi et vendredi, on pourra enfin retrouver un temps ensoleillé et sec. Et plus frais, 17 à 22 degrés seulement. Et sur les routes, comment ça se passe? La réponse tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. On va essayer d'être assez complet quand même, puisqu'on a parlé beaucoup de pluie, évidemment, dans les communes de Limbourg, Welkenrad, disons, Soumagne, on en a parlé. Sur le ring de Bruxelles également, à hauteur de Drogenbos, à hauteur de Groenendaal, les chaussées inondées. Sur le 19, Valenciennes-Bruxelles, à hauteur de Mons. Sur la N55 entre Binche et Herqueline. Sur le 42, Mons-Tournay, à hauteur de Vaux. Sur le 429, Tournay et Hâte. Dans la région de Lillois, le tunnel Stéphanie est inondé vers la Basilique à Bruxelles, dans le rond-point de Nivelles vers la N25 en direction de Wavre, sur la N5 dans le tunnel rond-point de Genappe et sur la N25 entre Cours-Saint-Étienne et Bouze-Valvois. On tisse aussi dans la plupart des tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, toujours beaucoup de rouge, plus 76 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour-Léonard, plus 48 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 48 minutes pour l'intérieur Carrefour-Léonard au titre, et c'est partout pareil. Un accident à Drogenbos également, carrefour reliant la rue prolongée de Stahl à la rue longue. Le passage est difficile. Voie ralentissée sur les axes pour quitter Liège, sur le 40 vers Liège, pour quitter Bruxelles, pardon, sur le 40 vers Liège entre Kreinem et Everberg et sur le 411 vers Namur entre Auderghem et Jésus-Seik. Accident grave qui occasionne la fermeture de la chaussée sur la N243 Wavre-Torambay à hauteur de Chaumont-Gistoux. Une voiture sur le toit sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Corbeil et des files en direction de Bruxelles et toujours sur le 411 Namur Arlon, à hauteur d'Abbé. Cette fois, il y a un accident. Il y a des fils en direction d'Arlon. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7, avec Cyril. Il est 18h35 sur Vivacité, il est l'heure de savoir qui va repartir avec son super téléphone, un super smartphone, le Samsung Galaxy S7 Edge qui vaut 800 €. Et puis dans un instant on ira à Tournai retrouver Ludo qui est victime des inondations et sa voisine aussi, surtout nous racontera son histoire. Dans un instant vous êtes peut-être vous aussi concerné par cette météo très compliquée cet après-midi, on fait un point dessus dans quelques secondes. C'est parti, on compose le numéro de téléphone pour savoir qui repart avec le Samsung Galaxy S7 Edge à l'occasion de la fête des pères. Le téléphone devrait sonner. C'est parti. Et là, j'imagine quelqu'un qui dit « Mais j'entends mon téléphone et je cherche. Il est où ? Il est où le téléphone ? Il est où le téléphone ? Il est où ? Il est là ?» Comme dirait Christophe Maillet. Allô, bonsoir ! Bonsoir ! Quel est votre prénom ? Muriel. Muriel, je sens que vous respirez très vite, Muriel. Vous êtes stressée peut-être. Ah ben oui, parce que j'attendais avec impatience à côté de mon téléphone que peut-être on m'appelle pour le Samsung. Ben ce serait pas mal. Alors vous n'êtes pas un papa, j'entends à la voix, enfin sauf s'il y a eu transformation. Ah non, mais je peux vous passer le papa si vous voulez. Pas spécialement, mais alors, vous avez, c'est vous qui avez joué pour lui? J'ai joué pour les enfants, pour qu'ils puissent offrir ça pour la fête des pères à leur papa. Ah ça, c'est sympa, ça c'est du beau cadeau. Comment il s'appelle le papa? C'est Nicolas. Et Nicolas, il avait un vieux téléphone, là? Ah, très vieux GSM, oui, aussi de la même marque, mais... Mais ancien, ancien modèle, quoi. Oui, mais pas encore pas les tout premiers, mais un vieux modèle quand même. Et est-ce qu'il a encore la batterie dans un sac à dos avec, pour l'accompagner? C'est pas encore ces modèles-là, c'est plus récent. Non, quand même pas, non. D'accord. Alors, Muriel, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer, grâce au magasin MediaMarkt Rue Neuve à Bruxelles qui vous offre ce téléphone, je vais vous envoyer le Samsung Galaxy S7 Edge pour votre mari, pour ce papa qui est certainement merci formidable. Merci beaucoup, je suis super contente. Merci beaucoup à Vivacité. De rien, ça fait plaisir. Merci à MediaMarkt qui vous offre ça aussi. Et je vous souhaite une excellente soirée, Muriel. À bientôt. Merci beaucoup. Pareil. Au revoir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on remet ça demain, bien sûr. Nouveau tirage au sort pour savoir qui repart avec à nouveau ce smartphone d'une valeur de 800€. Si vous voulez le gagner, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. Vous envoyez papa, c'est la même chose. PAPA au 6003 pour 75 centimes le message. Direction Tournai, tout de suite, on va retrouver Ludo. Ludo qui a envoyé un SMS pour parler des inondations en ce moment dans la région. Bonsoir Ludo. Et merci. Bienvenue dans le 5 à 7 Ludo. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui est concerné par ces inondations. Racontez-nous, vous mettez dans un message au 3063 que c'est le carnage chez vous. Oui, à Tournai, c'est incroyable. Je travaillais sur commune, je suis peintre en bâtiment. Je travaillais sur commune, on est quitté à 4h30. Et vers 5h, 5h10, qu'on est arrivé vers Moucron, là, on a commencé à voir noir-bleu, là, je dis, qu'est-ce que c'est? Et alors qu'on est arrivé sur Froyenne, là, c'est incroyable, 80 à l'heure sur l'autoroute, de l'eau partout, des bouchons. Donc je rentre seulement maintenant, je dois retourner à l'entrepôt à Leuze, et je rentre seulement maintenant, et mon amie, si je vais aller tout de suite, parce qu'elle a 1 mètre d'eau dans sa cave. 1 mètre d'eau, c'est énorme. Ouais, et encore une autre amie, un peu plus bas de chez moi aussi, elle a 1 mètre 10. Ah oui, c'est énorme, mais vous allez aider donc ces personnes à dégager et essayer d'évacuer l'eau. Ouais. Voilà. Et moi j'ai 40 cm dans ma cave. Et la rue de la Madeleine, il y a 70 cm à tourner. La Grand Place 40, je viens de voir sur Facebook. Donc c'est mon frère la semaine passée, 1 mètre 20 dans sa maison. Ah bah courage à vous Ludo et merci de venir en aide aux personnes qui en ont besoin autour de vous. Oui, et Ludo, ça nous permet justement de poser la question, est-ce que vous-même vous avez été confronté à ça? Donc dans votre cave 40 cm, vous avez des machines qui ont été abîmées ou votre maison est abîmée? Non, c'est ma cave, c'est beaucoup mes trucs de peinture, s'il y a pas, bien sûr ma machine, mon adoucisseur d'eau, là, je dois le spécialiste il vient demain pour voir, pour parce régler. Que là j'ai dû l'éteindre pour le courant et tout ça, parce que... Bah forcément, le courant et l'eau, ça va pas très bien ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, je dois faire attention à mon adoucisseur. Et ma personne, non, moi, c'est... Alors, c'est surtout mes amis. Ludo, je vous souhaite plein de courage à vous et à vos amis qui vont avoir besoin de votre aide. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais justement, ces problèmes d'inondation en ce moment, beaucoup de personnes sont touchées par ces soucis. Wautier Robbins, vous êtes porte-parole d'Assuralia et j'ai quelques questions pour vous. Bonsoir, Wautier. Bonsoir. Merci d'être sur Vivacité ce soir. Quand on est concerné par des inondations comme ici, alors Ludo nous explique que c'est pas bien grave chez lui, son adoucisseur qui est pour le moment débranché, il verra s'il fonctionne encore. C'est quoi le premier réflexe quand on a des inondations, quand on est touché par ce genre de choses? Quel est le premier réflexe qu'on doit avoir vis-à-vis des assurances? Alors je crois que c'est de prendre toutes les mesures de sauvetage qui peuvent aider à réduire l'importance du sinistre. Il faut savoir que ce sont des frais dans lesquels la compagnie d'assurance va intervenir, documenter évidemment, documenter les pertes, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prendre des photos, et puis viendra le moment où il faudra obtenir des devis pour les réparations qui devront être faites en fonction des types de dommages qui ont été subis, faire l'inventaire des biens qui ont été sinistrés, se mettre en rapport le plus vite possible avec son courtier, son agent, son agence bancaire ou la compagnie d'assurance selon le réseau qu'on a choisi. Ces photos, on doit les faire quand? On doit les faire quand il y a encore l'eau dans la maison ou les premières choses à faire, c'est évacuer l'eau et après on peut prendre le temps de faire les photos? Alors la première chose, ce sont évidemment les mesures de sauvegarde, donc faire ce qui est encore possible. D'accord. pour essayer de sauver les biens. Maintenant, il peut être utile aussi de prendre déjà contact avec son assureur. Les assureurs connaissent des firmes qui sont spécialisées dans le reconditionnement de biens. Il y a des biens qu'on pourrait croire perdus, mais qui pourraient être récupérés. Il y a toute une série de techniques qui peuvent être mises en œuvre. La plupart des contrats d'assurance incendie sont aujourd'hui équipés d'un volet assistance, c'est-à-dire une intervention au moment où on a besoin des services avant de passer à la phase de remboursement, et cela permet de faire intervenir des firmes qui sont spécialisées dans le séchage, le reconditionnement, etc. Imaginons qu'on est dans le stress, parce que voilà, ce genre de situation peut amener à de temps en temps un petit peu de panique. On ne sait plus très bien où on en est, on fait des choses peut-être sans y penser, on agit vite, on agit dans l'urgence. Est-ce que si on ne fait pas les photos tout de suite, l'assurance va nous dire « bah non, on ne s'occupe pas de vous » ou bien les assureurs sont compréhensifs et peuvent imaginer que dans la seconde, on n'a pas fait tout de suite la photo? Alors, les contrats d'assurance sont des contrats qui doivent être exécutés de bonne foi. Cela vaut également à l'égard de la compagnie d'assurance. Donc, le fait de faire des photos, c'est un élément supplémentaire. Les témoignages sont également un élément qui peut être pris en considération. Et puis, dans l'assurance en Belgique, il y a un bon 20 000 personnes qui sont présentes sur place à l'échelon local en matière de distribution de l'assurance. Donc, ce sont des personnes qui sont également capables de se rendre rapidement aux endroits où on a besoin de leur avis professionnel. D'accord, ben merci pour vos précisions, Wouter Robbins, en souhaitant forcément le meilleur aux personnes qui sont concernées par ce genre de soucis en ce moment. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt Wouter. Au revoir, il est 18h43, il est l'heure de s'évader un petit peu en musique, on va essayer de se sortir ses soucis de la tête, et je pense à vous qui êtes dans les bouchons. Il y a par exemple Thierry de Moucron qui me dit tunnel RN58 fermé dans les deux sens à Moucron, déviation en cours par la police locale. Un autre message, A8 à l'arrêt à hauteur d'Ostige direction Bruxelles. Courage à vous si vous êtes en ce moment dans les bouchons pour vous accompagner. Bah, comme tous les jours, depuis quelques jours, on va s'arrêter sur un air d'Italie à l'occasion des 70 ans de l'immigration italienne. Gelati, pizza, pasta e canzoni. Chanté, dansé, respiré. Un'aria d'Italia. Sur un air d'Italie. Le slow de l'été 73, en France plus qu'en Italie, est sans conteste Vado Via. Vado, questa volta deciso che vado. L'année d'avant, Gian Piero Anelli prend comme nom de scène Droopy, en hommage au chien Droopy de Tex Avery, les bassets aux longues oreilles noires, qui rappelle aussi les cheveux longs du chanteur. Droopy participe au Festival de Sanremo avec Vado Via et arrive bon dernier. Pourtant, le titre devient vite un tube international vendu à 9 millions d'exemplaires. Cette fois, j'ai décidé de te quitter. C'est mieux. Je ne suis pas le garçon que tu connais. Je m'en vais. Vado Via. Les 45 tours vinyles avec sur la pochette un noir et blanc, la belle gueule de crooner italien, lunettes de soleil, col relevé, la basse, les chœurs des femmes, les cordes, les sons de mots portés par la voix sole de Droopy, idéal pour un ballet, même s'il fait très chaud en ce début d'août 73. Partout, plus de 30 degrés, on transpire bien, collé-collé ou serré-serré. Droopy, qui a failli être plombier, se retrouve désormais invité à la BBC aux côtés de Paul McCartney et Tom Jones. Vado Via va connaître plus de 40 versions, en russe, polonais, hébreu, arabe, espagnol et en français grâce à Richard Cocciante. La traduction est un peu différente. Laissez-moi seul, libre. Dalida va jouer sur les deux tableaux, français et italien, dans une version bilingue sur le même thème de la rupture. Je sais que c'est dit de partir, mais je m'en vais. Cette fois, je te jure que c'est vrai. Je ne veux plus rester. Sur un air d'Italie. Après quelques années et kilos en plus, les cheveux toujours longs, les visages un peu froissés, Droopy chante toujours, En 2003, il remporte un énorme succès à l'égal des Rolling Stones lors d'un concert donné sur la place de la Vieille Ville à Prague. À Moscou, il remplit un stade de plus de 100 000 personnes. Seul Lénine aura fait mieux. Viva Drupi! Questa volta deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu di non poterle più? Dentro a quel mezzo sorriso un po' spento, ho scoperto i difetti che hai, ma Un air d'Italie revient demain sur Vivacité. Restez bien là, 18h48. J'ai des cadeaux pour vous. Eh oui, vous êtes gâtés. Vous savez qu'en écoutant cette émission, vous êtes gâtés. Et là, je vous emmène à la campagne puisque c'est la semaine bio cette semaine. Et grâce à la PAC W, vous allez repartir avec un panier bio. Et alors, c'est pas n'importe quoi qui est à l'intérieur. Vous voyez, on est dans une chouette ambiance là. Si vous êtes en ville, rien que d'avoir ce panier à la maison, vous sentirez mieux, vous sentirez bien. Simplement, manger bien, boire bien. Eh ben, on sent plus serein après. Vous allez repartir avec ce panier qui comprend, écoutez bien, des bières bio. Alors là, tout de suite, on démarre quand même assez bien. Jus de fruits bio, parce qu'il n'y a pas que de l'alcool pour passer un bon moment, bien sûr. Jus de fruits avec des pommes, il y a différents fruits. Hein. Wallon, toujours des produits wallon qui seront à l'intérieur. Confiture bio wallonne aussi. Un petit peu de quinoa, un petit peu d'avoine, huile de caméline, tout ça c'est bien. Des gaufres bio aussi, des biscuits bio et du chocolat wallon. Tout ça c'est pour vous. Et alors c'est bien gourmand ce panier. Vous allez le gagner maintenant, vous l'envoyez un petit SMS, vous m'envoyez bio. B-I-O, tout simplement, au 60-03. C'est 75 centimes le message. Vous me faites ça maintenant. Et puis avant 19h, on saura qui repart avec ce panier bio offert par la PAC W. Je vous souhaite bonne chance. Donc bio par SMS au 60-03. Pendant que vous faites ça, une toute petite page de pub. Et puis après, on revient avec les meilleurs moments des enfants de cœur. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Creffel. Hein. Sur Creffel.be, ouvert 24 heures sur 24, livré le lendemain. Creffel. Les meilleurs prix, service compris. Viva! Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. Pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. C'était pas ma fête à la base, là? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'éco-quartier de Visé les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Horizon Group. Investir les lignes du futur. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan Bylance à Liège et à Serein. Du 3 au 11 juin, profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les dernières technologies Nissan. Nissan Bylance, boulevard de Douai à Liège et zoning de la Troque à Serein. Ouvert dimanche 5 juin. Nissan, innovation that excites. Vivacité. qui arrive à 19h. Vous le savez, bah oui, c'est Philippe Jonio qui sera là, c'est le tip top, c'est la quotidienne. On revient sur le classement de samedi que vous avez suivi peut-être. C'est à partir de 10h30 tous les samedis jusqu'à 13h. Et en plus de ça, vous découvrez l'album de Boulevard Désert cette semaine. Et en plus de ça, il y aura du Coldplay ce soir. Vous êtes gâtés vraiment. Difficile avec Coldplay, c'est de s'arrêter. Ben oui, ben là, on est bien obligé de pas vous le passer en entier, mais par contre, restez là et dès 19h, vous pourrez entendre Coldplay et plein d'autres bons morceaux du moment avec Philippe Jonio sur Vivacité. Il est 18h52. Il est l'heure de retrouver le best-of des enfants de cœur. C'est tous les dimanches sur Viva. Les enfants de cœur. Attention, vous mettez les pieds. Les enfants de cœur. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Elle a beau être veuve depuis à peu près la première communion de Charles Aznavour, à chaque nettoyage de printemps, ma voisine Fernande ressuscite un objet de son regretté mari. Quand elle m'a invité à venir chez elle chercher un petit quelque chose en m'expliquant qu'il me serait plus utile qu'à elle, j'ai accepté avec le sourire figé du type qui a pris un laxatif juste avant de partir à son mariage. Et le lendemain, quand Fernande a brandi une paire de bretelles en me disant « Assieds-toi, je vais te les mettre, tu verras comme c'est confortable », je n'ai pas perdu mon sourire crispé de Joconde qui pose avec des chaussures trop petites. À la base, je ne suis pas d'un naturel méfiant. Je me suis donc retrouvé planté sur une chaise de cuisine avec Fernande qui m'attachait les quatre tentacules des bretelles à la ceinture de mon pantalon. Lorsqu'elle a reculé et qu'elle m'a dit « Lève-toi pour voir si elles sont à la bonne longueur », j'ai trouvé qu'elles étaient assez pendouillantes. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand on est assis, le poids du corps empêche les bretelles de tirer sur le pantalon et que c'est donc quand on se lève qu'elles se tendent. Habituellement, au niveau vocal, je suis plutôt dans le registre de Joe Cocker. Là, quand j'ai décollé de ma chaise, j'ai attrapé sur le champ la voix pour chanter l'intégrale de la Calasse. C'est une constante humaine que je ne m'explique pas. Quand on a mal, on plisse systématiquement les yeux. Je ne me suis pas vu, mais sur le coup, je devais ressembler à Bruce Lee qui s'est coincé les poils des aisselles dans son nunchaku. Heureusement, Fernande a réagi rapidement. Pour me soulager, elle a agrippé mes deux jambes de pantalon, a tiré dessus et les a tenues. Aussitôt, j'ai senti mes deux satellites qui revenaient sur orbite. Le seul problème, c'est que si Fernande relâchait tout, je repartais à coup sûr pour une tirade de chant tyrolien. Fiévreusement, mes doigts ont agrippé les pinces et bretelles pour les ouvrir. C'est alors que j'ai découvert les méfaits de la rouille sur le vieux métal de mauvaise qualité. Pas moyen de détacher ces pinces fermées sur mon pantalon comme la mâchoire d'un pitbull sur une cuisse de facteur. Après un long moment de réflexion qui m'a fait comprendre qu'elle n'avait jamais ressenti ce type de douleur, Fernande m'a dit « On va aller comme ça à deux chez mon neveu qui habite dans le bas de la rue. Il va les dégripper. Ce serait bête de les abîmer, elles sont presque neuves. » Dire que j'étais fier de croiser les voisins en marchant à pas de souris avec Fernande qui tenait l'entrejambe de mon pantalon, éloigné de mon morceau d'atomium, serait mentir. Mais c'est en arrivant chez son neveu que notre expédition a pris mauvaise tournure. Je ne sais pas si c'est par oubli ou par distraction, mais Fernande m'a dit « Ne bouge pas, je vais sonner ». Elle n'a pas dû aller jusqu'à la sonnette. Elle avait à peine lâché mon pantalon que son neveu ouvrait la porte pour voir qui était occupé à saigner un cochon sur son trottoir. Je vous remercie. Bravo. Prochain rendez-vous avec les enfants de cœur demain dans l'émission, puis d'ici là sur vivacité.be. Toute cette semaine, c'est la semaine bio, et grâce à la PAC W, vous repartez avec des paniers bio, des paniers bien sympas, bien gourmands. Et Dominique va en gagner un. Bonsoir Dominique. J'ai eu peur que vous ayez une voix particulière, mais le coq n'avait rien à voir avec vous, Dominique. Faites un peu le coq pour comparer. Ah non, c'était pas vous, mais c'est pas loin quand même. Vous savez faire d'autres animaux, Dominique, tant qu'on est dans le bio? Non. Par exemple, celui-là, vous savez le faire ou pas? Vous le reconnaissez? C'est le cochon. Alors, je sens une hésitation chez vous, parce que personnellement, j'hésitais aussi entre le cochon et le cheval, parce que c'est un cochon bizarre qu'on a ici avec nous. Mais c'est un cochon-cheval, une nouvelle race. Dominique, vous êtes de Yves Gomzé, près de Philippeville. Oui. Et c'est là-bas qu'on va envoyer le panier bio grâce à la PAC W, bière bio, jus de fruits, confiture et tout ça, d'accord? Ah ben c'est super sympa. Eh ben je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt Dominique. Merci. Au revoir également. Et bon appétit du coup. Dans quelques secondes, c'est le Tip Top qui démarre. Ce sera juste après le journal de 19h. C'est avec Philippe Jauniaux. Bonsoir Philippe. Salut Cyril. Hier, vous offrez un smartphone. Aujourd'hui, un cochon, c'est ça? Alors, j'offre pas un cochon, mais j'offre. Il y a même pas de morceau de cochon dedans. Mais panier bio. Mais le smartphone aussi. il a été gagné tout à l'heure. Et puis on remet ça demain. Bah évidemment. À demain, Cyril. On arrive dans le Tip Top avec Kungs, This Girl, 14e dans le classement. C'est dans quelques secondes. Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur les cuisines équipées. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils à Verlaine. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. À découvrir aux établissements Constant les conditions 75e anniversaire de la gamme Jeep. Portes ouvertes les 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sont mises à condition réservées aux particuliers. Vivacité présente, du 10 juin au 10 juillet, la Louvière fait la fête à l'euro. Un mois de foot en direct, de concerts, de cinéma, d'apéro. Rendez-vous sur la place communale pour vivre cet événement entièrement gratuit. Tout le programme sur www.lalouvière.be en partenariat avec Hyundai et Circus. Et il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. De nouveau, violents orages cet après-midi en région liégeoise. Les communes de Welkenrade, Soumagne, Liège, Dizon ont à nouveau été touchées. Les intempéries se sont ensuite déplacées dans les régions de Charleroi. Plusieurs routes ont été sous eau à Thouin, Lobe et Merbe-le-Château. Les gros orages, de gros orages aussi en Hainaut occidental, une zone qui avait été épargnée hier. Stéphanie Vendrec a pu contacter le commandant des pompiers de la zone, Olivier Louagie. Donc les communes les plus touchées sont les communes de Belœil et de Tournai, Tournai-Ville, et également la commune de Bruneau. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on part au plus pressé et on essaie d'envoyer les moyens de toute la zone de part et d'autre. On trie les interventions et on traite les interventions les plus urgentes. Ce sont quels types d'interventions?